Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. David Ferron nous apprendra à lire le plus récent numéro du journal sur le campus. Tania sera là pour nous divertir dans sa chronique Tania Escalante-Tania. Et on apprendra tous à mieux vivre ensemble à l'avenir dans les instructions d'assemblage. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 6 décembre 2016. On est à 142, je crois, jours de la fin de l'année scolaire. Oui, exactement. On t'en dirait des studios de ces fois à Trois-Rivières et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Je vais pas ouvrir la fenêtre, mais je me rappelle qu'hier, c'est 143. Ah, c'est ça. C'est ça. Bref, bonjour à toi. Bonjour, bon matin. Bonjour à tous les requins qui nous écoutent aujourd'hui. Il reste peu de jours avant la fin de la session aussi, hein, je l'ai pas dit, mais ça s'en vient. Tout le monde travaille bien, bien fort. Personne n'est élevé à ce temps-là. On parle en beurre? Non. C'est parfois. Les gens veillent tard, des fois. C'est ça. Et rarement le lundi, par contre. J'avoue, ouais, ben à part les gens qui viennent à l'impro ou à la lutte. Oui, c'est vrai. Mm-hmm. Toi, t'as veillé tard. Oui, Mathieu. toujours. Donc, aujourd'hui à l'émission, à Tania, on a la chronique de David Ferron, la chronique Zone Campus à 8h30. On va parler du plus récent numéro. C'est le dernier de la saison. Donc, une petite pause d'un mois et quelques avant de revenir en janvier, en force, comme toujours. Mm-hmm. Donc, ça, c'est à 8h30. Ta chronique s'en vient plus tard à la fin de l'émission. Tania is gonna entertain ya. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Bien, je vais tout simplement vous poser une question que vous allez devoir réfléchir jusqu'à Tania is gonna entertain ya. Oh, j'aime ça, petit défi. Qu'ont en commun le défilé Victoria's Secret d'hier? Ouais. Qu'ont en commun l'U-Pop? Et qu'ont en commun certains médias aujourd'hui? Donc, je vous laisse là-dessus. Réfléchissez à ça. Bon. Vous avez jusqu'à 9h, je crois. Ouais, genre. Je vais être aux alentours de 9h, donc je vais répondre à la question un petit peu plus tard. Je n'y comprends rien, mais c'est comme ça qu'on aime ça. On va aussi faire les instructions d'assemblage dans quelques instants, comme j'ai dit, pour des conseils de vie, ça s'en vient. Mais avant ça, une pièce de Marie-Ève Roy, anciennement des Vulgaires Machins. On va la voir en entrevue au Palmarès C'est Fou cet après-midi. Oui, donc, entre 14h et 17h. Ça fait bien donc, le dire. Vous avez tout simplement à écouter si vous voulez entendre l'entrevue. C'est fou toute la journée. C'est ça, c'est ce qu'ils disent. Pas besoin de prendre de pause de C'est Fou, c'est toujours bon. Hein? Mais non. Donc voici Marie-Ève Roy avec Larmes de joie. Oh, je reconnais cette chanson. Oh, on me... Ça, c'est fou. Mais qu'est-ce? Sur mon lit. larmes de joie, Marie-Ève Roy. Je trouvais pas que ça avait l'air très, très joyeux. Non, exemple. Pas tout à fait. Hey, fais-nous donc un petit genre de C'est fou 89.1 sur le début. D'accord. Vous êtes assez fou 89.1. Ah, c'est beau. C'est pareil comme notre ID de station pareil. Avec la même chanson utilisée mais dedans. Mais voyons! Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Voyons, là. Toujours l'assemblage requis, maintenant c'est les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas! C'est les instructions d'assemblage d'accueil dans lesquelles on se donne des conseils de vie pour essayer de mieux vivre, donc de mieux passer notre vie sur cette terre. Mm-hmm. Commençons en s'inspirant de Jim Carrey. Ah, OK. Tu connais bien Jim Carrey? Oui. Humoriste, acteur et peu importe. Donc, soyez la vie de la fête. Mm-hmm. Faites-vous reconnaître lors d'un party en jouant un personnage un peu comme le ferait Jim Carrey. Hein? Si vous êtes une personne qui divertit tout le monde, un peu comme toi, tu entertains le monde avec ta chronique Tania is gonna entertain ya. Oui, hein? Tout à fait. T'es tellement charismatique, etc. Oh, merci, merci. Tu veux attirer l'attention de tes invités, peut-être que tu pourrais jouer un personnage. C'est une vidéo de Charisma on Command qui suggère que jouer un personnage ou même plusieurs vous permettra de divertir et de mettre les gens à l'aise sans vous sentir vous-même mal à l'aise. En prenant des caractéristiques exagérées comme une diva ou quelqu'un de vraiment stupide, vous allez pouvoir vous sentir plus confortable dans un rôle avec lequel vous ne seriez pas confortable habituellement. Bien sûr, Jim Carrey, c'est un extrême exemple parce que c'est un personnage lui-même, donc tous ses maniérismes, etc., c'est tout le temps un personnage, mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à l'extrême. Peut-être juste changer votre ton de voix ou une expression faciale pour communiquer à vos invités que vous faites ça intentionnellement, donc c'est vraiment... C'est voulu que vous faites un personnage. Faut que ça paraisse quand même, sinon vous avez juste à avoir l'air vraiment stupide. Bref, en effet. Allez un petit peu plus loin que vous iriez habituellement pour être le life of the party, comme on dit. Ensuite, on vous dit de regarder les choses de l'intérieur pour avoir de la motivation si vous remettez une tâche à plus tard. Oh, OK. Ouais, quand vous avez une tâche que vous n'avez pas envie de faire, vous la remettez à plus tard, vous voyez ça comme une grosse montagne, mais dans plusieurs cas, vous pourriez aimer faire la tâche une fois que vous êtes en train de la faire. Donc, vous devriez vous rappeler comment vous vous sentez en accomplissant des choses pour avoir de la motivation dès le début. C'est un site de conseil qui s'appelle Barking Up the Wrong Tree qui nous explique qu'il y a deux façons de voir une tâche. La vue de l'extérieur, qui est quand on est un observateur, donc on voit ça comme une montagne, et la vue de l'intérieur, qui est qu'est-ce que tu ressens lorsque tu fais la tâche. On a tendance à oublier la deuxième partie, même si on a déjà fait cette tâche-là. Ça m'arrive tout le temps, finalement, d'avoir pas hâte du tout de faire une tâche, mais une fois que je suis en train de la faire, tout va très, très bien, tu sais. Oui. Des exemples de ça qui vrai, sont hein? peut-être même très, très près de nous, comme genre plus tard aujourd'hui, entre 14h et 17h. Non. Mais de quoi parles-tu? Donc, faire la tondeuse, par exemple, ça pourrait être difficile une fois vu de l'extérieur, mais peut-être que t'aimes ça écouter de la musique et peut-être même entendre un livre audio ou accomplir quelque chose comme apprendre des choses. Un livre audio, c'est vraiment le fun quand tu passes la tondeuse. Donc, peut-être que c'est ça qui devrait être ton petit bonbon quand tu fais ta tâche. Faire la vaisselle, c'est la même chose. Faire le lavage, ça me donne le temps d'avancer et lire des choses personnelles dans ma vie pendant que le lavage se fait quand je suis à buanderie. Ben bref. Oui. Donc voilà, voyez le bon côté des choses en regardant les choses de l'intérieur. Quand même pas un mauvais conseil du tout. Ensuite, donnez-vous de l'énergie avec un exercice de respiration qui dure seulement 30 secondes. Hein? Que ce soit, bon, peut-être que vous laissez tomber la caféine pour mieux dormir, peut-être que vous avez de la difficulté à vous réveiller. Donc, cet exercice de respiration va vous donner plus d'énergie. Toutes ces réponses. Oui, c'est ça. Il va aider votre cerveau à se réveiller. Vous pouvez l'essayer le matin ou même en milieu de l'après-midi quand tu commences à, tu sais, frapper le mur, comme on appelle. Tu sais, revenir le dîner, c'est donc pénible des fois. Oui, parfois, là. Ah, des fois, on a un petit creux d'énergie dans le milieu de la journée, donc vous devriez trouver un endroit silencieux, comme par exemple un escalier. À l'UQTR, il y a beaucoup d'escaliers que personne emprunte. Peut-être vous emprunter un petit escalier que personne ne prend. Vous tenir bien droit. OK? Donc, vous trouvez un endroit éloigné. Vous mettez vos bras contre vos côtés de corps. Vous vous levez debout bien, bien droit et vous fermez les yeux. Vous allez inspirer profondément à travers votre nez et lever vos bras par-dessus votre tête. Ensuite, vous allez donc inspirer et vous allez sentir votre cage thoracique prendre de l'expansion. Vous allez ensuite... expirez et baissez vos bras. Vous allez répéter ça pendant 30 secondes. Donc, les bras dans les airs, on inspire, la cage thoracique se gonfle et on expire. Exercice de respiration qui va vous donner le bon effet si vous n'avez pas beaucoup de temps. Est-ce que tu es en train de me dire que c'est censé remplacer le café? Ben, c'est ça dit un petit peu ça, ouais. C'est un petit peu ça. Mais finalement, c'est comme... S'étirer. C'est comme s'étirer, mais en respirant. C'est ça l'important, et de faire... Est-ce que tu as regardé le vidéo? Non. Les gens, ils respirent de façon vraiment étrange dans le vidéo. C'est l'exemple de la chose. C'est comme Jim Carrey. Il fait une expression faciale et ça des maniérismes. OK, mais eux, ils le font vraiment très rapidement. Ouais. Plusieurs fois en dedans de 30 secondes. C'est ça. OK, c'est ça qu'il faut faire. On peut s'en inspirer un petit peu. Ouais. Quand. Ouais. Ça veut pas dire qu'il faut remplacer le café, mais on peut ajouter ça à votre café. Ah oui, je suis d'accord. Voilà. Ensuite, parlons de quoi est-ce qu'on parle ici? On parle d'assurance de voiture. On dit qu'on devrait repenser à son assurance de voiture une fois par 6 mois. On dit que c'est très important de façon périodique de regarder vos dépenses, vos investissements, si vous êtes rendu là dans votre vie, hein, réévaluer vos factures mensuelles et vos dépenses une fois de temps en temps. Et ça fait longtemps que vous n'avez pas regardé votre politique d'assurance pour votre voiture, votre police d'assurance, oui. Credit.com nous suggère de reconsidérer votre assurance auto au moins une fois par 6 mois, donc 2 fois par année. Ou sinon une fois par année pour s'assurer que votre véhicule est bien couvert et que vous payez le meilleur prix avec les rabais applicables, considérant la valeur de votre voiture parmi d'autres facteurs. C'est la même chose pour les assurances d'habitation. Je me rappelle que l'an dernier, ou il y a 2 ans, je payais environ 2 fois moins cher que le prix que je paye en ce moment. J'ai changé de compagnie parce que ça avait l'air tentant, on m'a suggéré ça. Et puis finalement, je paye 2 fois le prix. Je suis allé voir ailleurs, j'ai regardé pour une autre compagnie qui chargeait encore plus cher que ça, par au moins 5$ de plus. Donc, magasiné, il y en a qui sont probablement genre 10-15$ de moins par mois, ce qui est quand même considérable et qui, si mis dans un compte d'économie à travers une année, ça fait une différence. Hein? Ouais. Donc, un bon petit rappel de toujours être bien couvert. Évidemment, c'est pas juste une question de prix, c'est une question aussi de couverture. Qu'est-ce que ça couvre, votre police d'assurance? Vous voulez pas être mal pris. Donc voilà, une fois par année ou 2 fois par année. Ensuite, une mentalité d'avantage. N'importe quel avantage peut être bon. Donc, c'est ce qu'on nous dit dans ce prochain article. On dit donc que tu sauras jamais quelles opportunités potentielles t'attendent si vous ne dites pas oui à un projet ou en faisant du bénévolat une fois de temps en temps. Donc, c'est ça. Ça dit, par contre, que le désavantage de ça, c'est qu'on peut des fois vouloir trop en faire et moins bien le faire. Donc, c'est chez Afford Anything où l'auteur Paul Pant nous parle de cette idée-là qui est de dire oui à chaque activité parce que tu sais pas où ça pourrait te mener, mais que ça a des désavantages. Par exemple, bon, donc la justification est toujours la même. On dit bon, que tu devrais aller à chaque événement de networking, de réseautage sur la planète, okay, que tu devrais être sur chaque plateforme de réseaux sociaux, que tu devrais donner ta carte d'affaires à tout le monde, que tu devrais répondre à tous les courriels, tous les tweets, tous les messages. La justification est toujours la même, c'est que tu sais jamais où ça pourrait mener. On s'est déjà dit ça, moi, en tout cas, peut-être 2-3 ans, j'avais pris comme mentalité pour cette année-là que j'allais dire oui à tout. Et c'est la raison qui fait que je fais de l'improvisation en ce moment. Fait que tu sais, ça a du bon. Oui. Mais parfois, faut tu gères ton oui, mettons. Exactement. Mettons que tu dis oui à faire tous les projets de design graphique qu'on te demande, puis là, finalement, t'as comme plus de temps, puis t'es tout le temps en train de pogner les nerfs. Exactement. Ou si ça vient à l'encontre, mettons, je sais pas, de ton sommeil. Oui, exactement. C'est ce qui m'est arrivé aussi. T'essaies de moins dire oui. Exactement. Tu choisis tes oui, mettons. Choisis tes combats. Donc, peu importe. Tu dis plus oui à sortir le mardi soir, OK? Ouais. Tu sais, ouais. Soyez un petit peu plus sélectif, si on veut. Donc, bref, c'est ça. Des fois, peu importe ton but, tu veux des résultats, donc tu dis oui à tout, mais il faut faire attention. On nous suggère de clarifier vos buts, spécifiquement utiliser ça comme baromètre et prioriser les activités qui vont te donner de meilleurs résultats. Donc, voilà. Sinon, on a tendance à se distraire. Un bon petit rappel que dire oui, c'est bon, mais dire oui à tout peut t'empêcher d'avancer, nous dit cet auteur. Ça a du sens. Ensuite, t'as peut-être reçu, Tania, si t'es comme moi et comme bien de nos auditeurs, t'as reçu du spam dans ton calendrier Apple. Est-ce que t'as eu ça? Qu'est-ce que tu décris de spam? Tu reçois un message disant genre « Ray-Ban Glasses 1999 ». Dans mon calendrier? Ouais, sur Apple par défaut, non? J'ai pas encore vérifié. T'es parmi les chanceuses, sinon. Il t'envoie une invitation. C'est peut-être parce que j'ai pas fait ma mise à jour. Peut-être, oui, ça se peut très très bien, en fait. Mais j'ai tous les événements Facebook, puis ça me... Ah, mais ça, c'est facile à enlever. Mais est-ce que je te montre comment... Ah, on va parler de ça. On est dans les exclus d'assemblage, donc c'est normal de se donner des conseils de vie, hein. D'accord. Donc, en ouvrant ton calendrier Apple sur ton iPhone ou iPad, en cliquant sur calendrier, tu peux désactiver des choses. Ouh. OK? Dans la page calendrier, tu peux enlever, par exemple, moi, mettons, j'ai jour férié au Canada, je peux enlever ça. Je peux enlever partager par contact. Événement Facebook, es-tu là? Non? Wouhou! Oui? Je peux l'enlever! C'est là, parfait. Sinon, il faut que tu ailles dans réglages, faut que tu ailles dans calendrier. Après okay. ça, tu vas dans tes comptes et tu peux désactiver plein d'affaires aussi là-dedans. Donc, je pourrais enlever, par exemple, dans certains comptes, mettons, moi, j'ai plusieurs Gmail dessus. Mm-hmm. Je peux désactiver la fonctionnalité calendrier pour enlever complètement la fonction calendrier de ça. Mais ça, ça n'a pas rapport avec Facebook nécessairement, mais c'est une autre façon d'enlever certains calendriers. Sinon, je crois que dans les options directement de Facebook, ouais, c'est ça. Quand tu vas dans les réglages, dans Facebook, tu peux décocher calendrier. Tu peux enlever aussi contact. Tu peux enlever plein de choses. Ce que j'adore, par contre, c'est que tu peux garder le jour des fêtes de décès de tes amis Facebook en enlevant les événements Facebook. Exact. Ça, c'est génial. J'adore ça. Très, très bon point. Bref, pour ceux qui ont reçu du spam, dans le fond, ce que ça fait, c'est que sur un calendrier, tu vas avoir, bon, événement avec un petit 1 à côté et ça va te demander, bon, voulez-vous accepter, refuser ou peut-être les lunettes Ray-Ban et Oakley à 19,99$ en ligne, j'ai 80% de rabais. Ça, c'est le spam qui est très, très populaire. Mais ça, en ce j'avais moment. Ça sur Facebook. Ouais, pour vrai, il y en a partout de ça. Donc, depuis les dernières semaines, ça arrive encore plus sur iCloud. Donc, ce qu'on peut faire, il y a plusieurs conseils sur Internet, mais le New York Times en a parlé. Et donc, ce que ça nous dit, attention, le problème, c'est qu'entre macOS et iOS, on va automatiquement scanner votre inbox, donc votre boîte de courriel, pour trouver des invitations calendrier, voilà. Donc, ce qu'on peut faire, il faut pas faire, pour commencer, il ne faut pas faire refuser l'offre, parce que si vous refusez l'offre, ça va dire à la compagnie qui fait le spam que vous êtes un compte de courriel actif. Oh. Hein? Donc, le groupe Stack Exchange nous conseille de créer un nouveau calendrier qui s'appelle Spam. Et là, pour créer un nouveau calendrier, j'ai dû chercher parce que quand j'ai lu les instructions, je ne comprenais pas comment faire. Il faut que tu ailles dans ton calendrier, tu cliques sur calendrier et il faut que tu fasses modifier pour que le bouton ajouter un calendrier apparaisse. Ah, d'accord. Sinon, le bouton ajouter un calendrier n'est pas là, ce que je trouve particulièrement stupide. Mm-hmm. Bref, tu crées un nouveau calendrier nommé Spam, tu envoies tes invitations là-dedans et ensuite tu effaces le calendrier. Donc ça, c'est la première solution, je trouve la plus facile. La deuxième solution est de désactiver la fonctionnalité auto-ajoutée du calendrier sur votre compte iCloud. Pour le faire, il faut absolument aller sur l'ordinateur, oui. Pas sur l'iPhone, il faut aller sur l'ordinateur, sur iCloud.com, dans calendrier préférences avancées. Il faut descendre dans invitation et sélectionner l'option pour recevoir les invitations calendrier par courriel au lieu de notification dans l'application. Et évidemment, c'est plus facile de bloquer vos courriels à la place de bloquer les notifications. Donc, calendrier, préférences, avancées, invitation et courriel. C'est trop compliqué. Allez voir l'article sur assemblagebloqué.com. Je suis bien d'accord avec vous. Apple apparemment travaille là-dessus en ce moment même. Donc, j'imagine que la prochaine mise à jour, je sais que j'en ai reçu une hier, une nouvelle mise à jour de iOS. Je sais pas si ça règle le problème, mais au moins, vous avez une façon temporaire de désactiver ce maudit spam de lunettes de soleil sur iCloud. Ensuite, on change mais complètement de domaine pour parler de cuisine un peu en ajoutant de la saveur à votre salade pour dîner, en mettant des ingrédients qui sont tous coupés de la même taille. OK. Étrange, hein? Ouais. Donc, la bouchée parfaite de salade a tous les ingrédients représentés dans sa fourchette. Hein? Donc, si tu mets plein de légumes verts et plein d'autres choses ensemble de différentes tailles, tu vas te pogner avec des gros bouts de salade puis aucun bout de légumes, un peu à la cafétéria style. Pour vrai, il n'y a pas grand chose de lumière. Bref, si vous voulez amener ça à un autre niveau, le chef Michael Stabner chez Sweet Green dit à The Kitchen, hein, c'est beaucoup de via tout ça. Mon Dieu, oui. qu'on devrait couper ses ingrédients à peu près de la même grandeur, que ce soit des légumes saisonniers, des protéines ou même des croûtons. On devrait les couper en cubes ou peu importe. Et ensuite, votre vinaigrette va couvrir les ingrédients plus justement. Et chaque bouchée va offrir une grande variété de saveurs et de textures. Oh! J'haïs pas ça. Toutes de la même grandeur. Devrais essayer ça. Ouais, uniformité. Ouais. Avec ta petite fiole de vinaigre balsamique. Est-ce qu'il faut découper notre salade aussi, la même grosseur? Non, c'est vrai. Probablement. Non, il faut la pré-mâcher. Oui, c'est ça, exactement. Ensuite, on revient à parler aux gens. Des fois, des petits conseils comme ça pour apprendre à être plus social, c'est toujours le fun. Pour réussir à parler à des gens que vous n'aimez pas. Ah, oui. Ouais, ça arrive, hein, des gens que t'aimes pas, il faut que tu leur parles. Oui, t'as donc, comme pas le choix, ça s'appelle devenir un adulte. Adulting, hashtag adulting. Et voilà. C'est aussi de vivre en société des fois. Ouais, donc, parfois. Il faut se donner des buts pour la conversation. OK. Donc, quand tu ne t'entends pas avec quelqu'un, avoir une conversation avec eux, ça peut être frustrant, hein? C'est une situation qu'on aime bien éviter. Donc, si on peut l'éviter, on peut l'éviter aussi. Ah, OK, c'est bon. Mais sinon, si vous devez absolument leur parler, rendre ça plus productif... C'est Jay Heinrich, l'auteur de Thank You for Arguing, qui nous suggère de choisir un but productif et de le tenir. Par exemple, ton but pourrait être de rassembler des connaissances, de l'apprentissage et d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça pourrait être ça ton but dans la conversation. Mais avec quelqu'un que t'aimes pas. Mais avec quelqu'un que t'aimes pas. Donc, la personne avec laquelle t'es en désaccord pourrait avoir une perspective que tu connais pas. Donc, sois ouvert à ce nouveau point de vue en te donnant le but d'apprendre quelque chose. Honnêtement, là. Ouais. Si j'aime pas la personne. Ouais. je veux même pas savoir son opinion ne compte pas pour toi. Exact. J'ai l'air d'une extrême méchante. Ah, ça, c'est Halloween, oui, absolument. Donc, peut-être que surtout vous êtes... le matin avant 9h. Clairement d'accord avec ça. Donc, peut-être que vous êtes fan de la même équipe de sport. Peut-être que vous pourriez changer la conversation à chaque fois. Ça, c'est un autre bon conseil. Si vous êtes avec une personne que vous aimez pas, mais que les deux aiment les aigles, hein, mettons, tu vas dire ouais. Oh, tu sais, les aigles, méchant gang de losers l'année passée. Blablabla. C'est ça. Tu pourrais. Un point commun. Un point commun. S'il y a d'autres gens autour, ton but pourrait être d'améliorer ta relation avec quelqu'un d'autre via cette personne-là. Bonne idée. Ben oui, donc tu pourrais leur montrer à cette personne-là avec qui tu veux vraiment être ami, comment t'es cool sous pression, même si t'aimes pas l'autre personne. Tu réussis à bien gérer la situation. Exactement, donc le but ça, est de changer. Ça, je pense que je le ferais juste pour ça, tu sais, genre pouvoir montrer que j'arrive bien à une situation. Montrer ta supériorité. Exactement. Ton côté snob ressort encore. T'as tout à fait compris, Mathieu. Bref, le but, c'est de virer la situation de ton bord pour pouvoir te garder assez distrait pour ne pas avoir à fumer les oreilles à cause de la personne que t'aimes. Ensuite, on parle de la meilleure façon pour mettre en ordre alphabétique ta collection de livres ou de jeux vidéo, peu importe, ta bibliothèque. Et mon Dieu, OK. Ouais, si t'as beaucoup de livres sur ta bibliothèque, placer ça par ordre alphabétique d'auteur ou de titre va rendre la recherche pas mal plus facile dans le futur, à moins d'avoir évidemment un système de symboles décimales de Dewey ou peu importe comme j'ai dans ta bibliothèque. J'ai jamais honnêtement pensé à faire ça. Tu sais, par exemple, j'ai une série de livres, OK, je vais les mettre ensemble. Mais de les mettre en ordre alphabétique, non, je fais juste mettre mes livres sur des étagères. Même chose pour les DVD, peut-être aussi. Oui. Non, c'est une vidéo de TED, chaîne YouTube. Évidemment, on connaît tous les TED Talks. C'est un ingénieur logiciel et éducateur, John, qui nous explique un algorithme de classage simple pour organiser votre bibliothèque. Ça s'appelle QuickSort, utilisé par des programmeurs de toutes sortes d'applications. Les magasins en ligne utilisent ça aussi pour classer les articles par prix et les maps GPS utilisent ça pour vous montrer la station-service la plus proche. Donc, on commence en prenant un livre au centre de votre bibliothèque, de votre tablette, OK? Mm-hmm. Donc, ça va devenir votre livre qu'on appelle de partition. OK. Vous allez comparer chaque livre sur la tablette à votre livre de partition et vous allez placer le livre qui va avant ou après, directement avant ou après, tu comprends? Oh, je comprends. Donc, un livre dans le milieu, ensuite, bon, ce livre-là commence par, mettons, tu choisis une lettre du milieu, mettons, M. Or, celui-là, il va dans les O, fait que ça va après. Celui-là, il va dans les B, il va avant. C, il va entre le B et le C. Ah, V, il va entre le... Tu sais, bon, tu comprends, tu continues tout le temps en y allant comme ça, par le milieu, tout le temps à partir d'une partition et à la fin, tu devrais avoir au moins un système assez proche de la vérité et après ça, tu peux un peu faire le reste pas essayer erreur, là, mais petit peu par petit peu, voilà. Mm-hmm. Donc, je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Très commencer bonne idée. Par le milieu de votre tablette. Ensuite, c'est une éponge à savon pour vous assurer de ne jamais gaspiller de savon. Tu sais, là, dans la vie, des fois, t'arrives à la fin de ton savon, il reste juste une petite plaquette puis la casse en deux. Là. Mm-hmm. Pas le fun, ça. Là, ça tombe dans le bas du bain, dans le fond du bain. Là, t'as de la misère, ça tente pas de pencher. Ah, demain. Mm-hmm. On va avancer demain. On va avancer demain. Ou comme disait Louis-José Hood, t'en rentres dans le trou avec ton pied. C'est ça, ça arrive, ça arrive. On fait tout ça en espérant qu'un jour ça va passer à travers le trou. C'est mais vrai? Avec cette éponge spéciale qu'on va faire soi-même en passant, on n'est pas dans sexy, ça ne devrait pas. Là, on va pas s'acheter ça toute faite. Non, non, non. On va se la faire nous-mêmes. C'est ça, les instructions d'assemblage. Donc, les barres de savon en petits morceaux, impossible à utiliser. On va utiliser quelque chose pour s'en servir. Donc, c'est une démonstration sur vidéo où on vous demande de trouver une éponge assez grande, une grosse éponge, et des ciseaux. On va faire un trou dans l'éponge, un trou qui fait à peu près la moitié de l'épaisseur de l'éponge. Okay. On va ramasser tous ces bouts de savon et on va les mettre dans l'éponge. Et ensuite, quand on veut utiliser l'éponge pour faire du nettoyage, par exemple, les morceaux à l'intérieur vont faire du savon avec l'eau, puis ça va commencer à frotter avec l'éponge. C'est un peu le système, c'est le même système que les lavettes pour la vaisselle, où tu sais, ton savon passe par le petit manche, puis vient dans un petit genre de trou dans l'éponge, puis tu fais ta vaisselle avec ça. Moi, je ne jure que par ça. Même chose, mais avec une grosse éponge. Moi, je trouve ça cool. C'est sûr Est-ce que tu utilises du savon en barre? Non. C'est ça l'affaire. Avant, oui, par contre. J'ai arrêté récemment, j'ai commencé à utiliser du savon en gel, mais bon... Bien souvent, c'est ça qui va arriver. Les gens utilisent beaucoup plus le savon en gel. Parce qu'on se tanne. Exactement. Ouais. Puis il y en a beaucoup plus dans une bouteille. Il faudrait faire la comparaison à savoir combien de temps ça... Moi, je crois que c'est plus rentable une barre de savon parce qu'en tant que tel, un paquet de genre 9 savons va coûter 3$, maintenant. Oui. T'sais, c'est beaucoup plus rentable, mais beaucoup plus plate à utiliser. Et si vous êtes obligé de l'utiliser ou encore que vous avez quelqu'un dans la famille qui utilise que ça et que vous voulez pas en acheter d'autres tout de suite, ou vous voulez transitionner à du savon liquide, mais il vous reste encore quelques fins de barres de savon, au moins pour finir, ce serait ça. T'as bien raison. Bref, une éponge avec un trou. Une petite vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. Ensuite, Tiens, ça c'est... ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis ça dans cette section-là, parce qu'en tant que tel, c'est pas mal plus quelque chose qu'on pourrait acheter, mais ça s'appelle une façon d'organiser votre votre poche de jeans, de pantalon. Tu sais, des fois, on se dit, bon, okay, j'ai un crayon, j'ai mes clés, j'ai un briquet, j'ai un canif, j'ai une lampe de poche, tout ça attaché après mon porte-clés. C'est beaucoup d'affaires en même temps, et là, tu te ramasses avec des grosses, grosses poches sur le côté. Hein? Ben, clairement, pour avoir tout ça sur ton porte-clés, t'es un homme. God, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Même que cette personne-là transporte une règle, un crayon plomb, puis un paquet d'affaires que je transporte jamais sur moi-même, mais tu de travailler sur la construction. Ça doit être ça, à la place de se mettre sur l'oreille. C'est un genre de portefeuille, mais avec des fentes un peu comme comme un, je dirais un rack à maquillage. Un oui, petit ou encore, tu sais, quand on était jeunes, là, on avait tous les compas là, oui, qui oui, venaient oui. dans des rapporteurs d'angle. Ouais, exactement. Donc c'est ça. Là, j'ai posté un modèle spécifiquement le Maxpedition Fally Pocket Organizer, l'organisateur pour grosses poches de Maxpedition. mais il y en a d'autres modèles, donc c'est pour vous dire que ça existe. Tu me disais l'autre fois, bon, tu sais, il y a des gars qui ont des sacoches, des petits sacs, des man bags. Des man purse, des merce qu'on appelle des fois. Oui, oui, oui. Donc, c'est la même chose, mais juste un petit genre de semi-portefeuille à zip pour mettre vos crayons dans des fentes, des trucs comme ça. Et ça, ça va dans votre poche. Ça pourrait vous, vous économiser de la ça place. Ça rentre dans une poche? Oui, tout ce petit emballage-là qu'on voit sur la photo, si tu regardes, mettons, genre un crayon Sharpie qu'il y a dans le milieu, là, c'est la grandeur d'un crayon Sharpie normal. Donc, ça rentre très bien dans ta poche. Les gars, on a des poches assez volumineuses. C'est profonde. Vrai, hein, comparer vos pantalons comparés aux nôtres, là. Ben, vos poches, pas mal comme nos poches à monnaie. Ouais. Minuscule petite poche sur le côté. C'est vrai. Ça, c'est quand puis c'est... bien souvent, nous, on n'aura pas de petite poche à monnaie. Non, puis des fois, même que la poche, c'est une fake. Oui. Et, tu sais, c'est juste ouais, non, ça arrive souvent que les pantalons de femmes n'ont pas de poche. Je ne comprendrai jamais. Ensuite... Tiens, quand tu magasines en ligne, il faudrait tout le temps que tu magasines en tant qu'invité, Tania. Tu sais, on dit souvent que quand tu magasines un voyage, tu devrais y aller en mode navigation privée sur ton furteur. Ouais. Parce que sinon, les compagnies voient que tu as magasiné d'autres choses et peuvent te montrer des prix plus chers. Oh. Donc, sinon, hôtel.com, un hôtel, oh. Trivago. Trivago. quand tu magasines en ligne, tu devrais magasiner en tant qu'invité et non pas te faire un compte. Hein? Donc, la plupart des vendeurs vous offrent l'option de cocher une case pour vous marquer un nom d'utilisateur et un mot de passe, etc. Ça peut être super pratique pour revenir acheter plusieurs fois d'autres articles la prochaine fois. Mais il y a des avantages et des désavantages à se créer un compte sur un site. C'est peut-être plus pratique. Par contre, ils vont t'envoyer plusieurs coupons. Et quand ils t'envoient des coupons, évidemment, ça fait que tu vas acheter plus de choses mais la prochaine oui. fois. Mais c'est pas pour ça qu'on dit ça. On dit que utiliser un compte d'invité va faire que les données personnelles ne seront pas sur les serveurs de la compagnie si jamais il y a un hack. Parce qu'on a tous déjà entendu parler de compagnies qui se sont fait hacker. C'est vrai. Évidemment, si vous avez fait un compte chez eux avec votre courriel et votre numéro de carte de crédit, votre carte de crédit peut être hackée. Alors que si vous faites commander en tant qu'invité, les chances sont moins grandes parce qu'ils vont pas garder, devraient pas garder, théoriquement, vos informations. Voilà. Mm-hmm. Pourquoi pas l'essayer? Sinon, ben comme je disais, au moins, ça va vous empêcher d'acheter... De faire des achats impulsifs plus tard à cause de vos coupons. Ensuite, une façon facile de recevoir des réponses de gens qui ne répondent jamais à leur courriel. Est-ce que ça t'est déjà arrivé des gens qui répondent pas à leur maudit courriel? Oui, oui, vraiment. C'est désagréable. Puis, au bout d'un certain temps, tu dis « Bah, arrange-toi que t'es trop. » Ben là, m'arrêter de te courir après. Exactement. C'est ça. Donc, une partie importante d'écrire un courriel, c'est de recevoir pour recevoir une réponse après ça, c'est le formatage. Donc, le format qui devrait rendre plus facile le fait de ravoir les informations parce que les personnes vont pouvoir vous écrire facilement la réponse. C'est Kat Bougart qui écrit chez The Muse qui nous donne un exemple du formatage qu'on devrait utiliser pour avoir une réponse rapide. Par exemple, Claude, je te rappelle que j'ai toujours besoin de ton graphique pour le rapport qui est dû à la fin du mois. Voici ce qu'il me manque de ta part. Tirait la charte de je sais pas trop quoi et un autre tirait la charte de l'industrie, je sais pas trop quoi. J'ai besoin de ça avant la fin de la journée, lundi 28 novembre. Merci, signé Tania. Donc, quelque chose avec des points d'action. Tu comprends? Des points mm-hmm. faciles. Donc, le format te donne un contexte. Ça dit exactement ce que tu as besoin et c'est tout ce qu'on a à se souvenir. Sinon, j'ai aimé aussi, je crois que c'était celui-là l'article, mais il doit être ailleurs dans ma chronique ici. C'était d'y aller avec des actions directement dans le titre du courriel. Donc, dans le courriel, tu pourrais marquer, genre, « action nécessaire » ou quelque chose de moins bête comme ça. Genre, « j'ai besoin de telle affaire, talala » et pas nécessairement de message. Comme ça, le titre dit tout et la personne se sent obligée de répondre parce que c'est pas marqué, genre, « charte » ou genre « travail » comme titre. T'as bien raison. Genre. Donc, allez-y comme ça avec des mots-clés dans le titre. J'aime quasiment plus ce truc-là que ce que je viens de vous lire avant. Ensuite, je dois être honnête avec vous, ça m'arrive de temps en temps, j'ai pas vérifié la loi au Canada. Okay? Mais en général, c'est un article américain, on nous dit que tu as le droit de garder un produit qu'un magasin t'envoie par erreur. Ouh! Donc, si une compagnie fait une erreur, vous envoie quelque chose d'additionnel, vous avez commandé quelque chose sur peu importe la compagnie, mettons Amazon, et ils t'ont envoyé quelque chose de plus. C'est rare que les grosses compagnies vont le faire, mais les plus petites compagnies, ça pourrait arriver. Tu as, évidemment, l'obligation éthique de le retourner. Évidemment, éthique. Oui. Hein, pour que ton, ta tête se sente mieux. Mais si t'es pas éthique, là. Si, mettons que t'as pas ça, là. T'étais pas là quand on a distribué l'éthique. Exact. T'es pas obligé de le renvoyer légalement, tu as le droit de le garder. Encore une fois, aux États-Unis, c'est selon la Federal Trade Commission qui explique les règles assez clairement selon Consumerist. Donc la question sur leur site est: qu'est-ce que tu fais si tu reçois une marchandise que tu n'as pas commandée? Selon le Federal Trade Commission, tu n'as pas à payer pour. La loi fédérale interdit d'envoyer des marchandises qui n'ont pas été commandées et ensuite demander un paiement. Si tu reçois une marchandise donc que tu n'as pas commandée, tu as le droit légal de le garder comme cadeau gratuit, même si tu n'as pas d'obligation légale de le dire au vendeur. Évidemment, pour te sentir mieux, tu peux probablement écrire une lettre au vendeur et offrir de retourner la marchandise si, et là, il faut que tu le demandes, mm-hmm. parce que sinon, ils vont essayer de t'avoir là-dessus. Ben oui, mais c'est sûr. Il faut qu'ils payent le shipping de retour. Et voilà. Si t'as envoyé quelque chose et que t'as pas payé pour, le shipping, c'est pas toi qui vas payer ça. Hein? Donc voilà, c'est ce que ça dit pour le FTC aux États-Unis. Ensuite, le ciel Pearl qui vérifie votre webcam et votre apparence en un seul clic. Tu sais, des fois, tu te dis, bon, sur ton iPhone, ça t'est sûrement déjà arrivé de vérifier ton maquillage ou tes cartes de données, peu importe, en regardant ton application caméra sur ton iPhone. Oui. Bon, sur ton téléphone cellulaire, peu importe. Donc, si t'as un Mac, il y a un peu le même principe, mais c'est juste une petite bulle dans le coin de ta barre de menu. Et quand tu cliques dessus, ça ouvre ta webcam et tu peux te regarder sur ta webcam, sur ton ordi. C'est dommage bizarre. Instantanément. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a des gens qui cachent? Ben, en tant que tel, avec un post-it. Ouais, c'est un peu, je dois dire, un peu théorie du complot, mais en même temps, selon des experts, il y a des experts qui disent que c'est une bonne chose à faire de bloquer son micro et sa caméra. Parce qu'honnêtement, là, c'est la première fois que j'en vois autant. Oui, je me suis promenée ce mois-ci dans l'UQTR, à l'extérieur de l'UQTR, ouais. Et j'ai dû honnêtement croiser comme 12 personnes qui avaient caché leur webcam en dedans d'un mois. Et sais-tu quoi? C'est le président de Facebook, Mark Zuckerberg, qui fait ça. Peut-être que les gens ont vu la photo sur Internet circuler. Il fait vraiment ça. Peut-être. Je te jure. Mais sûrement que lui est bien placé pour savoir que les gens surveillent les autres, étant donné qu'il travaille pour Facebook. Exactement. La compagnie qui sait absolument tout sur vous. Hein? C'est vrai. Bref, oui, vous, peut-être, même si c'est en tant que tel peut-être un petit peu freak. Pourquoi ne pas le faire? Surtout que sur les PC, théoriquement, il y a une petite lumière qui s'allume quand la webcam est utilisée. Bon. Bref, Pearl, qui est dans votre barre de menu, vous cliquez dessus, ça ouvre votre webcam avec une vue de votre face, c'est absolument tout ce qu'il y a à savoir. C'est fait pour ne pas gaspiller de piles, et ben, pas trop de piles ni de processeurs. Ça fonctionne à l'arrière-plan et ça active votre caméra seulement lorsque vous l'allumez. C'est aussi complètement gratuit, donc ça s'appelle Pearl, P-E-A-R-L, c'est sur macOS. Ensuite, Colin, mais il nous en reste 4 dans ce bloc-là, on va continuer tant qu'à y être. Fabriquez-vous un petit rack pour faire sécher vos coupes de vin en utilisant des baguettes chinoises. Oh, bonne idée. Pendant les fêtes, souvent, on va inviter des gens à la maison et il va y avoir beaucoup de vin, hein, ça va couler à flot, et tout le monde a sa coupe, hein? Mais vous n'avez pas l'espace dans votre rack pour faire sécher toutes ces coupes-là. Donc, c'est une vidéo de America's Test Kitchen qui nous montre comment installer ça. C'est presque trop simple. On a besoin de bâtonnets chinois avec des côtés plats. C'est ceux qui sont en bois que tu casses, il y a des côtés plats, donc ils rouleront pas sur le comptoir. Et on a besoin de l'espace pour les mettre à 2 pouces de distance chacun. Et ensuite, on met les verres dessus, les coupes, et on laisse l'air circuler. C'est parfait. Je me rappelle, dans le temps, quand j'étais débutant en termes de vaisselle, je mettais un linge à vaisselle sur le comptoir, je faisais de la vaisselle, là, je mettais ma vaisselle sur le linge à vaisselle. 3 jours plus tard, c'était encore mouillé. Ouais. Sur le linge à vaisselle, garde l'eau dans le... T'sais. C'est sûr. Il faut que ce soit soulevé, surélevé. Donc, c'est pour ça qu'on utilise des bâtonnets, des bâtons chinois. Baguette. Ensuite, on va utiliser les autres pour aider à se coucher à la bonne heure. Des fois, il faut se lever tout le temps à la même heure le matin et bien dormir, ça peut être difficile si on n'a pas, si on s'est pas couché à cette bonne heure. Hein? Ah, ok. Tu sais, si tu te lèves à 6 heures puis tu t'es couché à minuit, minuit et demi, 1 heure. Ouais. C'est pas une longue nuit. Non. Hein? Donc, il faut te coucher à une heure décente. On dit de se coucher même à la même heure tous les soirs et c'est facile de procrastiner. On essaie tous, mais on échoue tous. C'est ça, exactement. Il y a toujours un épisode de plus à regarder, une autre tasse de café à boire après le souper. Mais bref, c'est le professeur en psychologie Dan Ariely qui nous suggère de demander à votre partenaire, donc de cœur, peut-être quelqu'un de votre famille, peut-être votre coloc, votre chat, de vous garder responsable pour suivre la règle. Donc si vous vivez seul, il faut demander à quelqu'un d'autre que vous connaissez peut-être sur Internet, dites-leur de vous texter peut-être, demandez-leur de vous demander de leur texter une photo de vous en train de se coucher chaque soir, par exemple. Hein? Ah bon? Une façon de se responsabiliser. Peut-être que si tu chattes à quelqu'un que tu croises sur Tinder, ouais. Hein? Tu dis, demande-moi de t'envoyer une photo de moi au lit. Ça fait pas un peu bizarre? Vraiment. En lisant, moi aussi, je trouve ça vraiment bizarre et freak. Mais si t'es proche de la personne, ça pourrait fonctionner. Oui, mais même à ça. Ouais, OK. Hey, couche-toi et puis dors, là. Ouais. Demander au monde de s'assurer que tu dors juste pour que tu te sentes bien de dormir. T'as la volonté de faire ça. Ben, elle a la volonté de dormir, point. Sans envoyer de photo à personne. Mais... Non, je suis pas en désaccord avec toi dans ce cas-ci. Mais bon, mettons qu'on oublie le paragraphe sur les personnes qui vivent seules et qu'on y va avec les personnes en couple, famille, coloc. Tu sais, quand quelqu'un te le demande... Ah, maman, non... OK. Mais, excuse, peux-tu me demander de t'envoyer... Hey! Ouais, t'as raison. J'ai dit non. Je refuse. ouais. Ensuite, on dit de planifier votre budget autour de vos dépenses, non seulement en termes de mois, mais en termes de choses que vous achetez pour vous préparer à de grands achats. Budgeter votre argent à chaque mois, c'est une bonne habitude. On en parle souvent d'argent à l'émission. Même si à chaque fois que j'en lis, je me fais comment, je devrais suivre ça, puis je le ferai jamais. Bon, on dit de focusser sur les choses que vous allez acheter pendant les 4 prochaines années pour être mieux préparé. Donc, c'est un site de finances personnelles qui s'appelle Mapped Out Money, qui nous suggère que vos plus grandes dépenses de l'année n'ont rien à voir avec votre budget mensuel. C'est plutôt les réparations de voitures irrégulières, pour les voitures qui sont irrégulières, les réparations, évidemment. Le magasinage des fêtes et les vacances, tout ça, ce sont de grosses dépenses qui n'ont pas lieu à chaque mois. Donc, on devrait se préparer pour ça en planifiant. À la place de focusser juste sur le mois à mois, donc le mensuel, il faudrait regarder l'année plus au large. Mettons les 6 premiers mois de budgétage et ensuite aller encore plus loin que ça. Après ces 6 mois-là, tu devrais être capable de voir en gros les dépenses que tu as. Donc allez-y en pendant 6 mois, mettons, à regarder vos dépenses. Et après les 6 mois, reculez un petit peu à 1 an et voir si les dépenses vont se répéter pour pouvoir faire votre budget. Ça a du sens. La différence quand même assez petite, mais de regarder les choses de plus loin. Voilà. Les choses à long terme. Peut-être justement, tu sais, dans l'article, ça dit vous pourriez peut-être couper certaines dépenses superflues le mois avant de prendre une vacance. Ou le mois avant de tomber au chômage l'été, dans notre cas. Donc, le mois d'avant, hein, on met ça de côté, l'argent. Oui, bonne idée. Oui. Et enfin, pour ce bloc, la clé pour des gaufres parfaites. Une machine à gaufres. En effet, une machine gaufrier. À gaufres. Mais on dit aussi que c'est la chaleur de votre gaufrier ou la chaleur de l'instrument que vous utilisez pour faire vos gaufres. Les gaufres, c'est pas mal, je dirais, mon déjeuner préféré. J'adore acheter des gaufres belges particulièrement. Le sirop fait toute la différence, je trouve. J'ai acheté du sirop. Un gaufrier. Ah, je sais que je devrais m'acheter un gaufrier et un four à panini. Ça a été, durant mes années où j'étais en appartement, le plus beau cadeau de Noël que j'ai reçu. Ah, mais c'est beau, j'aime ça. Ah, j'ai adoré, je l'ai encore. Là. Ben oui, puis tu t'en sers encore. Exactement. C'est pas si cher que ça. Là. Mais non, j'étais tellement contente d'avoir un gaufrier. Ça doit, je te comprends. Bon, bref. La température est importante, comme on disait, pour avoir vos gaufres les plus croustillantes. Mm-hmm. Croustillantes. Et les plus molles à l'intérieur. Il faut préchauffer correctement votre four à... Ouais, four à gaufres, si on veut. Oui. On peut pas seulement se fier sur la lumière indicatrice. Ah, OK. Selon Cook's Illustrated, la lumière est une menteuse. Ooh. Une traînée. Les gros mots. Les gros mots. Donc, c'est ça, pour savoir si c'est assez chaud, les gaufres, pour être croustillantes de partout, on recommande d'attendre 10 à 20 minutes. 10 à 20 minutes. C'est beaucoup. Même après que la lumière soit allumée. À puissance maximale? Ça ne dit pas, attends un petit peu. Ça dit pas. J'imagine la chaleur recommandée. Sûrement. Pendant 10 à 20 minutes, au lieu d'attendre que la lumière allume ou éteigne, puis que ça fasse juste 3 minutes, attends. Laisse-la aller à la bonne température. Peut-être que tu as déjà remarqué même que tes gaufres que tu fais plus tard dans ton déjeuner sont peut-être meilleures que les premières. Ben, ça dépend. L'article. Ça dépend parce qu'ils peuvent devenir brûlés aussi. Ben, attends un peu. En les laissant 10 à 20 minutes, on parle de laisser le four allumé pas avec la gaufre dedans. Non, j'avais compris. Mais tu mets pas ton huile tout de suite. Ça le dit pas non plus, donc j'imagine que non. Mais ça va s'assurer que chacune de tes gaufres soit bien brune et bien grillée, prête pour mettre du sirop ou de la crème fouettée. Donc, on dit de juste réchauffer le four à gaufre pendant 10 à 20 minutes. Ah, d'accord. Et ça dit ensuite d'attendre au moins 2 minutes entre chaque gaufre. Ah, avant d'en couler d'autres. Avant d'en couler d'autres. Bonne idée. Bon, tiens, hein? On va essayer ça. OK. C'est bon, ça. on va prendre la pause pour l'instant. Après ça, on revient avec encore un petit peu de conseils, je pense. Puis après ça, David Ferron s'en vient. Oh, oui. Tu veux dire pour la chronique Zone Campus? Ouais. Oh, on n'invente rien. Non. Oh, non. faites assez pour l'écouter. Pour l'écouter. 89,1. Vous êtes toujours dans l'émission matinale Assemblage Reiki avec Mathieu Plante. Allô! Et Talia Baudin. Allô! Allô! dans quelques minutes, plus d'instructions d'assemblage en attendant David Ferron et sa collègue du journal Zone Campus. Mais avant ça, une nouvelle entrée du palmarès francophone par une formation qui a un drôle de nom, les Velvets. Les Velvets comme des Red Velvet. Oui, mais avec une vue. Une vue sur le lac. OK. Ouais, une vue sur le lac. Les Velvets. Le mort, ouais. Assemblage requis. Les Velvets. Mais petite chanson de 2 minutes 30 quand même. Volvets, on en apprendra plus à leur sujet dans les palmarès C'est fou cet après-midi. Oh oui, soyez avec nous. Oui, 14h à 17h. Maintenant, on retourne à nos instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Toujours dans les instructions d'assemblage, j'aime tellement l'intro que je l'ai fait juste deux fois, que voulez-vous. Tantôt, dans le premier bloc, j'avais sauté un article. Je sais pas si vous avez remarqué. J'ai sauté par-dessus l'article du temps que ça prendrait pour sortir de tes dettes dépendant de tes montants par mois. Donc, les paiements minimums de cartes de crédit sont faits pour vous garder endetté le plus longtemps possible. Je pense que c'est pas un secret pour personne. C'est pas une théorie du complot. Les banques sont là pour faire de l'argent. Oh, révolution, quelle surprise. Plus vous payez par mois, plus ça va être rapide de sortir de vos dettes, bien sûr. Donc, Business Insider... Business Insider. Elle nous dit donc combien de temps ça va prendre pour payer votre dette dépendant du montant que vous payez par mois. C'est une charte, un tableau, donc qui prend aussi en considération votre taux d'intérêt. Généralement, plus votre taux d'intérêt est haut, plus ça va prendre de temps pour payer votre dette parce que c'est pas tous les paiements qui vont vers le montant. Ça va surtout vers les intérêts. C'est ça mon problème. J'ai une dette et j'ai un taux d'intérêt à genre 14,9%. Ça fait que par mois, si mettons j'ai un paiement de, on va l'arrondir à 210$, souvent il y a une bonne centaine qui va à des frais d'intérêt. Ben oui. Et ça me fâche tellement, mais c'est de même que ça marche. Donc disons que vous avez 5000$ en dette et que vous voulez payer seulement 3% de votre dette ou encore 150$ de cette dette-là par mois. Si votre carte de crédit charge un taux annuel de 14%, hein, ça va vous prendre 43 mois, environ 3,5 années pour vider votre dette. Et si vous faites un paiement, si vous le montez vous-même à 10%, vous pourriez le payer en moins de 1 an. Oh! 3 fois moins pour à peine plus élevé de pourcentage. Ça vaut vraiment la peine. Donc, ce que mon conseiller financier m'avait suggéré de faire, c'est que si tu as un prêt à rembourser, mettons comme le 210$ par mois, tu devrais le doubler. Envoyer un 210 de plus par mois pendant un certain moment. Donc, quand 420. T'es capable. 420 par mois, c'était capable, évidemment, évidemment. Ou sinon, même juste peut-être la moitié de ce prix-là. Donc, vous pouvez vous-même envoyer de l'argent sur votre prêt. Par exemple, moi, j'ai un prêt accédé. Oui. Accordé. C'est ça, accordé? Accordé. Accédé, oui. C'est le site web, genre. Bref. Et tu peux facilement, sur ton prêt, faire payer de l'argent de plus. Et ça va directement vers ton capital. Capital. C'est déprimant de lire cette nouvelle-là, mais c'est comme ça. Oui, hein. Ensuite, pour faire le punch parfait à chaque fois, en utilisant une simple rime, évidemment une rime en anglais, parce qu'on prend les articles en anglais, parce que les articles en français sont des copies des articles en anglais, mais 6 mois en retard. Donc, le punch, c'est quelque chose de vraiment festif. Tout le monde aime le punch. Je pense que tout le monde aime le punch. Oui, quand même, oui. Dépendant du punch, mais quand même. Oui, c'est ça. Si vous voulez varier un petit peu les choses, ajouter quelques petites notes de saveur de plus, on devrait se souvenir de cette rime. One of sour, two of sweet, three of strong, four of weak. A dash of bitters and a sprinkle of spice serve well chilled with plenty of ice. Oh. C'est joli, hein? C'est-tu pas merveilleux? Un beau petit poème. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en français? One of sour, une portion de surette. Oui. Two of sweet, deux portions de sucré. Three of strong, trois portions de quelque chose de fort. Four of weak, quatre portions de quelque chose de faible. A dash of bitters, donc un petit peu de saveur, genre, je dirais, amère, ouais, c'est ça. And a sprinkle of spice, un petit peu d'épices, une pincée d'épices. Serve well chilled, donc servir bien froid, with plenty of ice, avec beaucoup de glace. Voilà. C'est quand belle même traduction. Simple. C'est Épicure, d'ailleurs, qui a de très bonnes suggestions de recettes dans le lien sur assemblagerequis.com. Évidemment, on peut utiliser cette rime-là pour faire votre propre chef-d'œuvre. Sour, souvent, c'est une portion de jus de lime. Hein? Ça peut être n'importe quel agrume, sinon. Ensuite, sweet, c'est un sirop. Des fois, ça peut être quelque chose de simple, mais des fois, des sirops avec de la saveur, de l'érable, peut-être de l'agave aussi. Est-ce qu'on dit ça? Agave en français? Oui, ouais. C'est de l'agave. Bon. Strong, quelque chose de fort, c'est bien sûr de l'alcool. Weak, c'est souvent de l'eau. Faut aussi utiliser du soda, donc de la liqueur pétillante mais sans saveur, là, du club soda. C'est votre jus préféré. Et bitters, comme on l'a dit, c'est de la noix de muscade, de la cannelle, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est la recette. One of sour, two of sweet, three of strong, four of weak, a dash of bitters, a spray of spice, sugar chill with plenty of ice. L'article, bien sûr, est sur le site assemblagerequis.com. Ensuite, on essaie de se construire de meilleures habitudes. On aimerait tous changer nos habitudes des fois, on a tous des habitudes qu'on n'aime pas. Il faut utiliser le modèle du « si, quand et alors ». OK. Est-ce que tu connais en informatique le « if this, then that » ? Non. If, des fois, il y a une application sur iPhone d'ailleurs, sur peu importe, sur le web, téléphone, cellulaire, et peu importe, qui s'appelle If. Donc, if this, then that, s'il y a quelque chose qui se passe, comme mettons une photo postée sur Instagram, ça va te l'envoyer par courriel. Donc, okay. If this, then that. Tout le temps, tu prends un facteur et ça te donne un autre facteur. OK. Donc, c'est le même principe, la même logique que le logiciel, mais dans votre vie personnelle. C'est le site de conseil Barking Up the Wrong Tree, on a parlé tantôt, qui nous explique que nos habitudes sont souvent passées sur... sont souvent basés, pardon, sur des éléments déclencheurs. Donc, quand tu arrives à la maison, soulignez le mot « quand », alors tu vas enlever ton manteau et tu vas le suspendre. On comprend l'image de la chose. Quand tu t'assois à ton bureau, tu commences à travailler. Si quelqu'un t'envoie un message sur Facebook, alors tu es distrait pendant une demi-heure. Tu vois? C'est ce que ça veut dire. Donc, pour changer cette habitude, on devrait écrire ses propres « si » et « alors » à l'avance. Okay? Donc, avant de vouloir accomplir quelque chose, on se crée un manifeste, si on veut, qui parle de l'endroit ou du moment où on devait faire quelque chose. Et ensuite, on utilise les mots magiques « si » et « alors ». Donc, quand Je m'assois à mon bureau première chose le matin, alors je vais commencer à écrire mon rapport que j'ai à écrire. Ou encore, si mon oncle commence à parler de politique puis que j'aime pas ça, je vais aller me cacher dans la salle de bain. C'est ça. C'est ce que ça dit dans l'article. Très bon exemple. Si la famille commence à parler de quelque chose que vous aimez pas, vous allez parler à quelqu'un d'autre, vous allez « Ah oui, oui, Ginette, j'arrive. » Genre bon. Donc, écrivez vos programmes, un peu comme on ferait avec un logiciel, et écrivez ça sur un post-it ou quelque chose pour vous le rappeler tout le temps, pour que vous l'ayez tout le temps dans votre cerveau. On dit aussi que changer d'environnement est une bonne façon d'influencer vos habitudes. Donc, ajouter une note à suivre peut vous donner un petit coup de pouce dans une situation de changement. Évidemment, remplir votre bureau de post-it va juste faire que vous allez oublier de les lire, mais allez-y un petit peu à la fois. Ensuite... ce truc-là, je le trouve particulièrement intéressant. Est-ce que vous avez déjà essayé de suspendre un cadre? Oui. Bon, donc vous avez fait votre, vous avez fait pris vos mesures, vous avez fait une petite marque dans le mur, vous avez planté votre clou, et là vous arrivez pour suspendre votre cadre. Puis Caroline, ça veut pas pogner, ça veut pas pogner après le clou. Ça arrive souvent, ça. Ça arrive tout le temps. Donc, GIF animé sur assemblagerequis.com, on met une fourchette avec les quatre pattes de la fourchette. On va mettre les pattes deux à gauche, deux à droite du clou. Oui. Ok. Pareil qu'on le mettrait sur la table, donc avec les fesses de la fourchette sur le mur. Oui. Et on va passer le cadre, tu sais, des cadres avec un fil. Ils ont tout un fil à quelque part pour pouvoir le mettre droit. Mm-hmm. Donc, vous allez prendre le fil et l'enfiler sur la fourche de la fourchette. Pas sur la fourche, sur le manche. Oui. Et ça va descendre jusqu'en bas de la fourchette. Ça va descendre sur le clou entre les pattes de la fourchette et vous allez juste retirer la fourchette. C'est merveilleux. C'est vraiment parfait. Vous allez économiser plein de temps pour à peu près n'importe quoi. Super simple. Rien à dire de plus. Voilà. Ensuite. Tiens, on devrait acheter apparemment des produits nettoyants si on les aime, même s'ils sont plus chers. Oh, d'accord, mais pourquoi? Est-ce que t'es du genre à acheter un produit parce que t'es en spécial, un produit nettoyant? Ouais, c'est surtout si ça nettoie. Là. Est-ce que tu trouves que ça lave aussi bien des fois? Ça dépend lesquels, honnêtement. Tu sais, comme exemple, je suis moins déjà à aller les acheter au... Je suis désolée, mais au Dolorama. Oui, non, tout à fait. Mais même si on a des bonnes marques de nos jours, mais leur marque cheapo... Je vais plus aller, mettons, chez Walmart. Effectivement, je suis bien d'accord avec toi. Donc, nettoyer, c'est quelque chose qu'on doit faire, encore une fois, hashtag adulting, pas le choix. Mais au-delà du fait qu'un environnement propre, c'est plus relaxant, on adore ça. J'aime particulièrement faire mon ménage avant une journée de travail ou avant la fin de la fin de semaine pour que le lundi, j'arrive chez nous, puis ah, le ménage est fait, tu sais, pas m'en faire avec ça. Donc, les produits de nettoyage, si tu les aimes, c'est un très bon motivateur. Si l'odeur de ton produit te plaît, tu vas avoir envie de le faire. J'ai du nettoyant à la cerise puis au pamplemousse rose. Oh. Ça me donne envie de faire le ménage. On adore ça. Bref, les éditeurs chez, encore une fois, Épicure, étrangement, nous disent que c'est une bonne tactique. Par exemple, il y a quelqu'un ici sur le site d'Epicurious qui dit qu'il refusait d'acheter des produits d'une compagnie qui s'appelle Miss Myers. C'est un savon à vaisselle parce que même si cette personne-là aimait l'odeur, c'est trop cher. Oui. Et ensuite, une journée, et il ou elle a décidé de se gâter et d'acheter ce savon à senteur de géranium. Apparemment, ça sent très bon. Puis, ben, Colin, il était plus enthousiaste puis il avait envie de laver sa cuisine. Hein? Donc, encore une fois... d'y aller avec quelque chose que vous aimez, non pas quelque chose qui est moins cher. Surtout que, je veux dire, en tant que tel, là, pas obligé de faire le ménage trois fois par jour non plus. Non, en effet. Ça dure longtemps, du produit nettoyant, puis c'est pas si cher que ça quand tu y penses. Mm-hmm. Hein? Voilà. Bref, sinon, ça pourrait être aussi d'acheter des lavettes à vaisselle avec un petit animal dessus, tu sais, genre un petit pingouin, je sais pas trop quoi, parce que ça va donner envie de jouer avec ton pingouin quand tu vas faire la vaisselle. Des trucs comme ça. Ou des effaces magiques. T'sais, des fois, c'est le fun de frotter avec un effet magique. Mais juste de rendre ta séance de ménage le fun. Exactement. Ensuite, 5 règles. Ah tiens, c'est le conseil que je cherchais tantôt. Tu sais, quand on a parlé de courriel. Mm-hmm. Bon, ben c'est celui-là que je voulais faire tantôt. 5 règles pour enfin vider votre boîte de courriel, enfin rendre ça plus utile, si on veut. Quand vous avez votre inbox très pleine, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Moi, en tout cas, je déteste avoir ma boîte de courriel pleine. Moi, quand j'arrive sur mon courriel, il y a un petit icône avec une enveloppe qui sourit et qui dit « Vous avez rien à faire aujourd'hui. Allez vous amuser. » Oh, wow. C'est le fun, ça. Inbox Zero, qu'on appelle. Tu sais, tout le monde sur Gmail garde leur courriel sur la page d'accueil. Il y a un bouton archiver, puis ça sert à ça. Il sert à l'archiver ton message. Puis quand tu vas vouloir le chercher, tu vas chercher, tu vas marquer un mot, puis ça va le trouver. Pas besoin de les laisser sur la page d'accueil. T'as raison. Juste ça de même. Bref, c'est chez The Atlantic, James Hamblin, qui a 5 règles d'or à suivre. Son approche l'a aidé à couper en deux le temps qu'il passe à répondre à ses courriels. Hein? Donc ça a l'air un petit peu bête des fois, vous allez voir, mais quand même efficace. On commence par la règle numéro 1, pas de bye-bye. No sign-off. Donc on élimine les « au plaisir », les « merci beaucoup » et « bonne journée ». Okay. On peut même sauter son nom, on peut même sauter les « bonjour » parce que l'adresse courriel dit que c'est vous. Hein? Mm-hmm. Donc, ça, c'est le point qui a l'air un peu bête. Okay. Ensuite, bon, là, on a dit pas de au revoir, mais le point 2, c'était pas de bonjour. Donc, les reliques des lettres écrites à la main, genre Trois-Rivières, le mardi 6 décembre 2016. Genre la date. Tu sais, c'est-tu, dans le début, qu'on écrivait des courriels, ouais. On écrivait la date c'est en haut à droite. C'est ridicule. Sérieux, de l'année de Notre Seigneur 2016, non, non, gars, ça va faire. Donc, pas de bonjour, c'est passé date. Je sais pas si je serais capable de retourner dans ma mail puis voir des affaires comme ça. J'aimerais ça. Numéro 3, trois phrases ou moins. Le centre d'un courriel ne doit pas faire plus que trois phrases. Si tu dois écrire plus que trois phrases, tu devrais probablement appeler la personne. Oh. Ensuite, numéro 4, votre inbox n'est pas une liste de choses à faire. Hein? Arrêtez de penser que vous devez répondre à chaque dernier courriel. Si tu veux te rendre à inbox zero, comme on dit, t'as pas toujours besoin d'être à zéro. C'est pas une priorité, il y a d'autres tâches qui le sont. Et numéro 5, allez seulement voir vos courriels 2 à 3 fois par jour. L'Américain moyen, nord-américain, ça doit être la même chose ici, perd 30 secondes à chaque fois qu'on vérifie notre boîte courriel. Donc, le vérifier seulement 2-3 fois par jour, c'est 1 minute et demie. Mais quand tu y vas trop souvent, ça peut faire plusieurs minutes. Donc, essayez-le 2-3 fois par jour, vous allez être surpris. Moi, c'est ce que je fais déjà, 2-3 fois par jour, max, c'est bien en masse. Et vos connaissances courriels auxquelles vous parlez souvent vont s'habituer à votre nouveau style de conversation et peut-être même qu'ils vont embarquer eux autres aussi là-dedans. Pour vrai, ça m'arrive tellement souvent. Ça a peut-être l'air super bête, mais je trouve que c'est vraiment inutile de faire autrement. J'attache un attachement, mettons, à mon courriel. Oui. Il n'y a pas de sujet. Il peut y avoir un sujet des fois, là, mais tu sais. Mais des fois, ça va être un reply, c'est une réponse à quelqu'un d'autre. Donc, le sujet reste comme il était. Il n'y a rien dans mon message. Là. OK. Tu sais, je l'attachement. Pourquoi? Même pas de thank you ou de merci. Je suis à côté de la personne. Ouais. Elle voit déjà. Ok, oui. T'as pas besoin de dire genre bonne journée à tantôt. Non. T'es déjà là. Des fois, on perd du temps avec des formalités. Dites bonjour aux gens dans la vraie vie à la place. Ouais. Hein? Vu comme pas ça. Pire, ça. Ensuite, une blague très stupide peut te donner plus d'argent lors de négociations de salaire. Oh, d'accord. Ouais. Tu penses qu'une négociation de salaire, c'est le dernier endroit où tu voudrais faire des blagues, mais il y a un type de blague qui peut en fait influencer ton salaire, ton offre salariale pour le mieux. Et c'est une question de l'effet de l'ancre. Ancre comme dans un bateau, une ancre de bateau. Donc, anchoring effect. Anchoring, c'est un phénomène psychologique lorsque quelqu'un nomme un nombre en premier dans une négociation. OK? OK. Donc, dans le cas des négociations de salaire, un candidat pour un emploi qui suggère un chiffre, un nombre, va influencer l'offre ultime de l'employeur. Donc, si tu commences trop bas, ils vont t'offrir quelque chose de moins que ce qu'ils t'auraient offert, psychologiquement parlant. Donc, si tu commences avec un chiffre trop bas, c'est comme dealer pour vendre quelque chose sur Kijiji ou peu importe. Là. Donc, quand tu commences trop bas, ils vont te donner encore moins que ce que tu aurais espéré. Mais si tu commences très haut, tu pourrais faire plus d'argent psychologiquement de la part du patron, même si tu fais une très mauvaise blague. C'est Todd J. Thornsteinson. Okay. Oui. Oui, des tortellini. Donc, un scientifique de la psychologie à l'Université de l'Idaho qui a utilisé plusieurs expériences pour montrer comment l'effet de l'encre peut être efficace. Dans l'expérience, Thornsteinson nous apprend à couvrir avec une offre ridiculement élevée donne au candidat plus d'argent en moyenne. Donc, incorporer une blague sur un salaire implausible pourrait être une façon relativement facile pour les candidats à un emploi d'établir une ancre, donc un prix genre élevé qui est accroché là, et minimiser la réaction négative de l'employeur. Les participants qui blaguaient en disant vouloir 100 000 $ hein, ou encore disaient qu'ils faisaient dans les 6 chiffres à leur précédent emploi se faisait offrir en moyenne 35 385 $ américains, ce qui est environ 3 000 $ de plus que le groupe contrôle et beaucoup plus que le groupe qui, eux, devait donner un très, très bas chiffre. Mais ouais. Donc, dans le fond, on essaie de comparer dans l'étude en faisant bas chiffre, la moyenne et un chiffre élevé. Donc, c'est une blague qui va vous amener vraiment à la banque avec beaucoup plus d'argent. Il n'y a pas de garantie, bien sûr, que ça fonctionne, mais psychologiquement parlant, ça devrait au moins avoir un certain effet qui vous montre, en fait, la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est qu'une blague comme celle-là, ça vous montre à votre futur patron potentiel que vous avez confiance en vous, que vous avez un sens de l'humour et que vous avez des buts pour lesquels vous voulez vous battre. Et les employeurs adorent ces trois qualités-là et devraient vous récompenser pour. Ouais. Pas pire, ça. Très bon conseil. Merci à lifehacker.com. Ensuite, on essaie de surpasser nos problèmes, nos grosses montagnes de problèmes en s'enfuyant pour un petit moment. Tu sais, des fois, ça a l'air un petit peu, comment dire, faible. Ouais, quand même. De partir en courant. Quand vous avez un problème si englobant, qui pile par-dessus tout, qui vous donne un gros poids, tout ce que vous voulez faire, c'est partir en courant, et bien, ça peut être la bonne solution. évidemment, si vous revenez à la fin. C'est le rédacteur en chef chez Sloan Management Review, Paul Michelman, qui nous explique donc un gros problème peut être... que de gros problèmes, oui, peuvent nous empêcher de les processer, donc de les gérer, si on veut. Lorsque quelque chose est tellement gros que tu n'arrives pas à trouver une solution, te retirer la situation pour un petit moment peut t'aider à refocuser et revenir avec un nouveau regard. Donc, l'instinct de s'enfuir est un bon instinct, en tant que ce soit pas permanent. On peut commencer, comme on dit, en allant dehors, prendre une petite marche. Mm-hmm. Hein? Sortir de ton bureau, aller dans le stationnement, simple comme ça. Ça peut être de monter dans ta voiture, ça peut être d'amener un collègue pour dîner, ça peut être de monter dans un avion puis aller à une conférence, ça peut être de trouver un discours à aller voir, ça peut être de prendre ton laptop et aller au café, peut-être. Ça peut être de passer dans une autre province, n'importe quoi pour s'enfuir pendant quelques moments. Donc, tu te mets à un endroit où tu peux t'attendre à l'inattendu. Hein? Donc, tu vas donner une opportunité d'apprendre quelque chose et peu importe ce que tu fais, il faut s'assurer que ça ne fasse pas partie de ta routine. Donc, quand tu t'en vas en voyage, tu ne vas pas commencer à faire la même chose que tu ferais, genre ouvrir ton laptop, te connecter à ton courriel puis parler à ton patron. Non, c'est sûr. Hein? Donc, tu vas te commettre à faire d'autres choses. Voilà. Et si, bien sûr, ton emploi ne te permet pas de quitter le bureau pendant quelques jours à chaque mois, tu devrais commencer à bloquer un temps, une période de temps sur ton calendrier, te forcer à faire quelque chose une fois par deux semaines. Et aussi, très, très important, de faire de donner une priorité, voilà, à ceux qui réussissent à faire la même chose. Donc, ça veut dire donner aux gens une certaine direction, une directive, et te suivre. Donc, par exemple, peut-être dire, convaincre quelqu'un d'autre à ton travail de s'enfuir avec toi pendant quelques temps pour refocuser, recentrer ta vie. Et après ça, ploum, on revient au travail. On utilise le temps pour penser à ses émotions et penser à comment mieux gérer la situation, oui? J'ai trouvé, tu sais, tout à l'heure, j'ai dit, je me demande si je vais sur mon compte Hotmail. Mm-hmm. Malheureusement, les comptes Hotmail, maintenant, n'existent plus. Outlook. C'est rendu Outlook. Et tu perds tout ce que tu avais dans ton compte Hotmail. Yay, Microsoft! Comment ça que Gmail existe depuis 2004 et on a encore les courriels de 2004, mais Microsoft, on est Windows Mail, on est Windows Live Mail, on est Windows Live Hotmail, on est Windows Live Mail. Arrêtez de changer de nom, Outlook, Outlook.com, Outlook Web Express Mail. Ah non, mais là... Alors, on n'a plus rien, je peux pas vous dire. Bande de... Ensuite, c'est on triste. Va... Oui, vraiment. On va garder le liquide lorsqu'on fait cuire des champignons. Je sais que t'aimes pas les champignons. Ah, non. Ouais. Mais si vous faites cuire des champignons, vous les faites rôtir. On va garder le liquide de ces champignons-là pour faire un condiment rempli de umami. Est-ce que tu te souviens d'ailleurs qu'on a parlé de umami à l'émission? Oui, à un certain moment. L'umami qu'on traduit souvent par le mot savoureux, mais c'est absolument pas approprié. Le umami est sa propre saveur. C'est une des cinq saveurs de base. Tu as le sucré, l'acide, l'amer, le salé et l'umami. L'umami. Voilà. Donc, on va justement se faire une petite sauce condiment à l'umami. Allô, mamie, dididam, dididou. Bon. Donc, comme tous les légumes rôtis, les champignons rôtis sont assez géniaux. Avec du beurre, c'est toujours bien, bien bon. Mais vous avez sûrement remarqué que le petit liquide qui sort, là, ben, des fois, tu veux le jeter parce qu'il est comme brun puis ça a l'air dégueulasse. Mais non, il est en fait savoureux. C'est le blog Serious Eats qui appelle ça du jus de champignons. Ah, ça a l'air okay. encore plus dégueulasse quand tu appelles ouais, ça du jus de champignons. Vraiment. Non, c'est du jus de champignons, mais avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre quand tu fais cuire tes champignons, et peu importe les autres assaisonnements que tu as mis avec tes champignons. Et comme les champignons eux-mêmes, c'est rempli de umami, donc on peut utiliser ça un peu comme de la sauce soya dans des ragoûts. On peut faire un petit filament sur du riz. On peut utiliser ça, pardon, comme sauce sur les viandes, les fruits de mer et les légumes. Et c'est excellent. Mm-hmm. Ben, peut-être. C'est super à dire, essayez-le, quelqu'un d'autre que moi, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ensuite, on va utiliser les cartes de crédit prépayées pour garder votre budget en vacances. On va terminer là-dessus. Donc, une carte prépayée pour garder votre budget, en fait. C'est difficile de suivre un budget quand t'es en voyage, particulièrement si t'as des enfants qui veulent des souvenirs, des cadeaux, peu importe. À la place, vous devriez considérer de remplir une carte prépayée avant votre voyage et la donner à vos enfants pour avoir un plafond. Les cartes de voyage prépayées ont un montant, évidemment, qu'on met dessus. Ou encore, vous pouvez même acheter des cartes avec un montant déjà installé dessus qu'on peut pas recharger. Moi, je préfère la carte prépayée qu'on peut recharger. J'adore cette carte-là. Visa prépayée. Génial. Bref, vous leur dites combien il y a d'argent dessus, comme une carte cadeau. Oui. Et vous leur dites que c'est l'argent qu'ils ont pour toutes les vacances, fait que faites avec. Hein? C'est plus sécuritaire calcul, que leur donner... Calcul! Alors, je crois que ça. C'est plus sécuritaire, bien sûr, que leur donner une pile d'argent, parce qu'on peut rapidement annuler la carte si elle est perdue ou volée. Donc, avant de décider de prendre une carte de crédit, évidemment, vérifiez les frais. Moi, ma carte Visa prépayée me coûte, je crois que c'est 8$ par année. Je pense que c'est pas mal rentable avec ce que j'en fais. Évidemment, aussi vérifier le numéro pour si les cartes sont volées. Et comment acheter de l'argent sur votre compte, bien sûr. Tout ça est super simple. J'avais dit que j'ai arrêté là, mais j'en fais un dernier. Okay? On dit justement, de côté carte cadeau, on dit de laisser tomber les cartes cadeaux pendant la saison des fêtes pour ne pas donner plus de travail à la personne à qui vous le donnez. Ah, et en fait, il y a un conseil additionnel, c'est qu'à la place de leur donner une carte cadeau générique, de leur donner une carte cadeau spécifique. Donc, les cartes cadeaux d'une carte de magasin, par exemple. Une carte d'un endroit que tu sais que la personne aime. Donc, c'est le site de conseil Art of Manliness qui nous explique que les cartes cadeaux, souvent, ont du travail caché dedans. Donc, si la personne veut avoir la valeur de la carte, ils vont devoir faire de l'effort pour trouver quelque chose qu'ils peuvent acheter à l'intérieur du montant que vous leur avez donné. Donc, que ce soit une carte, je sais pas, ça peut être une carte Visa... avec, comme on l'a dit tantôt pour le truc de voyage, une carte prépayée de Visa. C'est cool, mais là, la personne va devoir, OK, qu'est-ce que je peux acheter en dedans de ce montant-là? Ouais, mais si ça dépasse le montant, je peux pas le mettre sur deux cartes de crédit sur Internet. Qu'est-ce que je vais faire? Faut que j'achète quelque chose. Tu sais, ça devient compliqué. Tu comprends? Donc, vous pourriez leur donner une carte à la place de Amazon ou Visa, leur donner une carte d'un magasin de jeux vidéo. Ça pourrait être un magasin de, je sais pas, de sous-vêtements, ça pourrait être une carte, je sais pas, de la SEQ pour ceux qui aiment l'alcool, peu importe. Donc, la personne va préférer, entre guillemets, va théoriquement préférer avoir une carte qui a l'air d'être intentionnellement donnée à elle et non pas donnée à un humain qui doit avoir un cadeau parce que c'est un échange de cadeaux. En effet. J'adore donner des cartes cadeaux. Mais tu sais, j'adore recevoir aussi. Spécifique. Mais plus spécifique, voilà. C'est pas tout le monde qui pense comme ça. Moi, en tout cas, moi, si on a à me donner une carte cadeau qui est le plus généraliste possible, au moins, je vais pouvoir choisir ce que je veux. Mais j'aime aussi la spécificité. Bref, faites ce que ça vous tente avec ça, mais considérez le fait qu'une carte cadeau ne devrait pas être un travail, mais non, quelque chose à savourer. Voilà. Là, c'est vrai, c'est tout pour rassemblage, pour les instructions d'assemblage. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Dans quelques instants... David Ferron va être là pour la chronique Disons le campus. Après ça, t'as ta chronique à toi, Tania Is Gonna to Tania. Oui, exactement. Tout ça pour le reste de l'émission. Assemblage requis, restez là. Assemblage requis en ce mardi 6 décembre 2016. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Maintenant, on a David Ferron qui est en train de dérégler toutes nos machines. J'imagine, c'est ça que tu fais de ton côté. Hein? Tu joues avec tous les boutons puis tu dérègles tout. Hein? C'est exactement ça? Ce qu'il est en train de faire. Je niaisais tellement. Ben, c'est parce que moi, je suis habitué d'avoir des écouteurs blancs puis je me suis confondu avec celle de Tania. Exactement. Fait que lui, il est en train de défaire tous mes réglages d'écouteurs. Ah, ben le tannant. Oui, c'est involontaire. Je sais que c'est involontaire. C'est pas de sa faute. Faut pas rire de lui pour ça. On rit pas de lui pour ça. C'est comme j'ai rien dit à date. Non. C'est comme les petits kids au début du 20e siècle qui ont incendié le centre-ville de Trois-Rivières. C'était un accident. Ouais. Mais tu sais, tout le monde a ses caractéristiques à l'émission. Hein, t'sais. Donc, je sais pas. Tania, qu'est-ce que t'as comme caractéristique? C'est une bonne question. J'avoue qu'on n'a pas encore. Tu me demandes de m'auto-caractériser. Ouais. David, c'est quoi la caractéristique en ondes de Tania? Ben, c'est dur à dire. C'est comme un mini-weeds. Elle a un côté sérieux et un côté givré. C'est ça. Oh. Parce que, mettons, bon, Jean-Philippe Charbonneau, l'année passée, il y a deux ans, c'était le gourmand, tu sais. On disait qu'il était en train de manger des ailes de poulet. Stéphanie Paradis, c'était la soulonne gaspésienne. OK. Bon. Fait que là, toi. Je ne pourrais te dire. La professionnelle? Je sais pas si c'est ça que vous voulez. Moi, c'est le gars beaucoup trop transparent qui dit tout en nombre, même si c'est pas important de le dire. David est le gaffeur. Oui, exact. Et gourmand, je fais beaucoup de compétition avec Jean-Philippe pour absolument. Le gourmand. Parce que t'es tout le temps en train de manger. Oui, tout le temps en train de manger. Mais bref, le gaffeur, ça veut juste dire que hier, il a encore éteint mon ordinateur. Encore? Encore. Avec ton pied? Ouais, mais mon pied s'est pas rendu compte qu'il était sur la prise. Son pied était indépendant de son corps. Ouais, c'est ça, oui. Exactement. Non, pour vrai, il était comme la prise était comme sur une boîte. Moi, j'avais juste, je pensais que j'avais le pied juste sur la boîte. Ouais, non, mais non. Il y a besoin de... Ouais, il y a, je sais pas. C'est, ton pied ouais, devrait avoir ça. Son propre petit stylo, tu sais, pour pouvoir faire clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose entre les doigts. Une chance que tu m'as pas dit qu'il faudrait te casser les deux jambes. Non, mais non, je suis pas violent comme ça, David. Bref, vous l'avez entendu, David Ferron qui est là, qu'on va faire, on va surveiller nos power bars avec lui. Voici... Là, je suis en train de surveiller le dessous, je sais pas ce qu'il fait, ça ferait pas de faire coucou. C'est ça l'affaire. C'est la chronique Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. C'est un grand plaisir de toujours avoir David Ferron, notre rédacteur en chef au journal Zone Campus. Salut David. Salut vous deux. Allô. On est là pour parler du plus récent numéro qui est le dernier de la saison, automnale. Évidemment, le volume continuera au mois de janvier. Oui, exactement. On retrouve en couverture les filles et les gars de cheerleading. On en parlera rendu en sport tantôt. Donc le numéro 6 qui commence en actualité avec la consultation publique « Faut qu'on se parle ». Oui, exactement, parce qu'on sait que Gabriel Nadeau-Dubois et Jean-Martin Hassan, notamment, ont monté le projet qui s'appelle « Faut qu'on se parle ». Ça, c'est... là, ça, au début, ils étaient 5, là, ils sont rendus, je pense, 9 ou 10, le comité de « Faut qu'on se parle », qui est un noyau de gens, de citoyens, de, ben pas nécessairement des politiciens, mais des gens qui sont très impliqués au niveau social, au niveau politique aussi. Donc, se sont réunis pour avoir l'avis des Québécois sur qu'est-ce qu'on devrait améliorer. Donc là, le 22 novembre, Faut qu'on se parle, c'est le nom du projet, s'est rendu au Cégep, mais il y avait tout le monde, en fait, tout le comité, sauf Jean-Martin Hassan, qui est le gars qui vient de notre région. Il était pas là. Ben non, bon. Mais il pouvait pas, il était occupé. Ouais, ouais, ils disent ça. Là, c'est ça, exactement. Mais je pense que c'est vrai. Ils ont leur excuse numéro un. Ouais, on blâme Jean-Martin Hassan. Ouais, il nie ses racines mauriciennes. Ben non, il devait être occupé, mais de façon, ça a l'air que c'était fait au Cégep et c'était plein. Oh, wow. Il y avait plus de place. Tant mieux, tant mieux. Dans ton mot de la rédaction, le titre est très intriguant, comme un chat sur ses deux pattes. Oui, il faut lire l'article. Oui, il faudra lire l'article en page 2. Mais je peux peut-être résumer pour... Ouais? Non, non, non, je garde la surprise. Ensuite, je garde la surprise. Toujours l'actualité, c'est le savoir à faire, tremplin vers le nord. Il y a 5 étudiantes de l'UQTR qui est à cette île, dont notre chroniqueuse Alassania Kouyi. Oui, exactement. Donc, c'était un projet, c'était là 2-3 semaines. Il y avait 5 étudiantes de l'UQTR qui se sont rendues à cette île. Savoir à faire, qu'est-ce que c'est? C'est des étudiants de partout du Québec qui se rendent là pendant une semaine et qui se mettent en équipe. C'est pas nécessairement l'équipe de l'UQTR, l'équipe de l'UQAM, ils se mélangent. Et là, à chaque jour, ils doivent présenter leur projet parce qu'ils doivent concevoir un projet pour aider la région à se développer. Comme là, Alassania et tous les autres, donc notamment Aurélie Dumont et Sarah Moréa. Ça, c'est les 3 gagnantes de l'UQTR. Il y a eu 2 autres participantes aussi qui n'ont pas nécessairement gagné, mais qui ont eu beaucoup de plaisir. Et donc, le but de ces 5-là, c'était de se mettre avec d'autres personnes qui étaient participants à l'activité et c'est de présenter, c'est ça, un projet aux développeurs de la région de cette île et de la Côte-Nord. Et encore une fois, Jean-Martin Hassan n'était pas là. Non. Je pense pas. Ensuite, on a parlé de ça à l'émission il y a quelques temps. C'était le mois de l'économie sociale en novembre. Il y a eu un speed dating des conseils d'administration. Exactement. Donc, il y a eu des organismes d'économie sociale qui ont été à la chasse-galerie pour justement discuter avec des gens qui seraient intéressés à siéger auprès de leur CA. C'est fou, était là, d'ailleurs. Ben oui. Ensuite, le 5 à 7 carrière en études québécoises. Oui, en fait, le comité, en fait, l'association des étudiants en études québécoises a organisé un 5 à 7 qui invitait les étudiants en études québécoises à la conférence de 2 étudiants, 2 maîtres en études québécoises, donc qui ont fait leur maîtrise dans le programme, Yannick Gendron et Marilyn Audet pour leur parler de leur après. Après l'université. Oui, exactement. Donc, pour voir qu'est-ce qu'ils font. C'est sûr que c'est pas nécessairement exactement relié au domaine, mais pour leur dire que ce qui est important, c'est de s'impliquer et aussi de bien étudier, mais aussi de développer leur plein potentiel. Absolument. Même chose pour les réfugiés à Trois-Rivières qui doivent développer leur plein potentiel. Donc, c'était Réfugiés à Trois-Rivières d'hier à aujourd'hui, qui était une conférence. Oui, exactement. En fait, il y avait, ça s'est tenu mardi passé, c'était animé par la très dynamique Patricia Powers, ben oui, qui est excellente comme animatrice. Avec sa petite voix rauque, là. Oui, aussi, mais c'est quelqu'un de trempathique, quelqu'un de très curieux aussi. Trempathique, c'est comme les trempoulets chez PFK, oui, ça. Oui, exactement. Elle est trempathique. Elle est tellement empathique qu'elle dépasse l'empathie. Elle dégoûte de la sauce de l'empathie, comme on dit. Oui, en fait, elle est trans-empathique, elle dépasse l'empathie. C'est ça. Elle dépasse les centres d'empathie, d'empathie. Oui, exactement. On a compris. Le gars, il est allé trop loin. Ensuite, il y avait une conférence de Melissa Christiansen. On a de la misère à prononcer son nom, mais Christiansen? Oui, Madame Christiansen, ouais. En fait, qui parle en fait de son vécu en tant que transsexuel. Donc, elle a parlé de en fait comment elle vivait ça au quotidien, en fait son parcours avant justement de sentir pleinement elle-même. Donc, ça a l'air, c'était vraiment très touchant, mais en même temps, c'était pas larmoyant. Voilà. Ensuite, toujours à l'actualité, le CA de l'Association Générale des Étudiants, la Chasse-Galerie qui va bientôt avoir son propre menu. On a tellement hâte. Oui, donc on va enfin pouvoir bouffer des sandwichs made in Chasse-Galerie. Menoum, menoum. Mm. Oui, ça, là j'ai faim. Ouais, ben, c'est ça, ça y est, on a faim. Il a pas encore pris son deuxième déjeuner. Non, c'est ça. J'ai le... même pas rien. Pas encore mangé? Non. Ben voyons là, il est rendu 9h, qu'est-ce que ça? Je le sais, mais j'ai beaucoup mangé hier soir. C'est juste ton deuxième chiffre d'habitude. C'est ça. Non, ça, c'est juste le lundi quand okay. Faut que ça sort. Mais en tout cas, on parlera pas de nos vies privées. Le CA de la GF. Oui, exactement. Et là, il y a eu justement deux exécutants de du CA, en fait du CX, en fait, de la GQTR qui doivent être remplacés. Donc, il y a beaucoup de mouvements au sein du CX, mais ça a l'air quand même, les projets ont l'air quand même bien aller. Et aussi, il y a un rappel concernant les administrateurs qui ne se présentent pas au CA. Donc, il y a eu un rappel et un serment de vice. Ah, ben oui, j'imagine. Hein. C'est dans le geste, c'est ta responsabilité d'être au CA. Ben oui. Il va y avoir un autre CA le 11 décembre, donc la semaine prochaine. Le numéro sort seulement à mi-janvier, probablement. Donc, on va vous tenir au courant d'une façon ou d'une autre de ce qui se passe au CA. Toujours à l'actualité, la chronique éditoriale, l'humain approximatif de Pedro Beauchemin. Oui, donc c'est aller travailler bande de paresseux. Oh, mais calme. David, retiens-toi. Oui, mais c'est le titre. Ah, c'est une citation. Ah. Mais oui, je lis le titre, il est devant vous. Vous. Caméra 3. Ouais, c'est ça, caméra 3. En fait, je parlais de vous et Tania. Ah, ok, ah, oui. C'est ça. Je vous vois, Mathieu, je suis poli. Merci beaucoup parce de l'admettre. Non, c'est parce que pour moi, t'es un étranger. Ouais. C'est une blague. Je vais la laisser passer, celle-là. Parce que j'ai fait de très mauvais blagues, de très mauvais gags, justement. Mais bon, en fait, de quoi Pedro parle, c'est de la loi 70 qui est devenue la loi 25. En fait, on sait tous que le gouvernement libéral veut serrer la vis auprès des gens qui bénéficient de l'assistance sociale. Mm-hmm. Et justement, Pedro dit sa façon de penser là-dessus. Pedro. Ça, c'est les actualités. Maintenant, on passe en société. Oui, excusez-moi, je suis en train de lire. Ah ben oui, c'est tellement bon. Ben oui, je suis en train de lire l'article, Samuel. C'est Gwendoline Lebeaumain qui nous revient avec un œil sur l'actualité internationale. Mon beau, ça part. Oui, c'est je le titre. Oui, parce que évidemment, ça ne parle pas juste de Pâques, mais de Noël. Ben en fait, de quoi qu'elle parle, c'est qu'elle explique en fait l'impact écologique du temps des fêtes. Ah. Et nous conscientiser par rapport à l'importance de, même si c'est Noël et qu'il y a les festivités tout autour, c'est quand même important d'avoir une conscience écologique pareille. Mmh. Tu sais, votre papier d'emballage, recyclez-le. C'est ça. Hein? Les sacs cadeaux, là. Exactement. On peut aussi puis d'où viennent les sacs plastiques aussi, puis la dinde, tout ce qu'on met dedans, puis tout ce qu'on jette. Tu manges une dinde en plastique, tu manges n'importe quoi, David. Ouais. Moi, je mange tout. Ah, c'est ça. Le prochain article, c'est Kevin Gaudreau qui nous arrive dans son Entre les deux pôles. Qu'est-ce que le trouble de stress post-traumatique? Oui, exactement, parce qu'on parle souvent des soldats qui reviennent de guerre et qui sont victimes de stress post-traumatique, mais ça peut arriver n'importe où. Ça peut arriver à cause d'une mauvaise expérience de travail. Ça peut arriver n'importe quand. En fait, c'est quelque chose qui nous traumatise tellement que ça a des effets sur notre santé. Donc, Kevin nous en parle de manière plus détaillée dans son titre. Moi, tu vois, j'ai le syndrome là, du stress post-traumatique. Post-traumatique. C'est depuis que j'ai entendu papa outer. Ah ouais? Je serais bien raide du traumatisme. Ah, c'est ça. Choc post-traumatique. T'es pas censé triper dessus après un choc post-traumatique. Je sais pas, c'était pour le gars. Ça, c'est le syndrome de Stockholm, peut-être. Oui, c'est ça. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Dans la chronique La Petite Vite, couple en péril quand la pornographie s'en mêle. Oui, donc, évidemment, on va parler de pornographie, mais aussi l'impact. Comment utiliser la pornographie dans le couple? Est-ce que ça peut être correct ou pas? Est-ce que c'est sain ou pas? Bref, lisez. C'est comme un gros débat, ça, hein? Ouais. Tout le temps. C'est, oui, c'était autour, en plus, d'Anthony Morin, parce qu'on se souvient qu'ils alternent. Ouais. Parution après parution. Alors, c'est Anthony qui a écrit la chronique cette semaine. Je me souviens au pouvoir citoyen, le 150e de la Confédération en 2017. Bof! Donc, ce que ça dit, en fait, c'est que, oui, on met beaucoup l'accent sur le 150e de la Confédération qui s'en vient bientôt, parce que c'est en 2017, mais qu'au Québec, il y a des dates à souligner. Donc, c'est ce que Jean-François souligne. Mm-hmm. Maintenant, on passe en art et spectacle avec le City Tour qui était au 10-12. C'était il y a deux semaines, je crois, organisé, entre autres, par C'est Fou. Oui, donc C'est Fou qui était en fait l'organisme hôte pour le spectacle, ouais. Parce que le City Tour, c'est un tour, comme le titre le dit, et ça fait référence à le City Show sûrement, qui a été sorti en 68. Oui, exactement. Puis là, il parle de l'esprit, c'est ça, 68 heures, qu'on veut recréer l'esprit fraternel, parce que ça mettait, en fait, trois groupes et artistes du hip-hop, Corias, À la Claire Ensemble et les frères et Papa Brown. Papa Brown. Oui, parce que c'est deux frères et un papa qui fait le groupe Brown. Ah oui? Ben oui. La troisième nocturne de la création, c'est toi qui es allé voir ça, David, le jeudi 1er décembre dernier. Oui, paraîtrait-il. En fait, la nocturne de la création, c'est un projet qui a été mis sur place par la professeure Maryse Paquin, qui est au département de loisirs, culture et tourisme. Et ça, ce projet-là, c'est quoi? C'est qu'en fait, ça se passe à tous les ans. C'est la troisième année cette année. Et ça se passe au Musée populaire de culture québécoise. Donc là-dessus, j'ai toujours de la misère à dire musée de culture québécoise. Musée populaire de québécoise. Musée populaire de la culture québécoise. Oui, exactement. Ah. Musée populaire de culture québécoise. Voilà. Donc, ça s'est passé là et c'est des étudiants dans un cours qui se sont mobilisés pour créer, en fait, des ateliers. Pas nécessairement des ateliers, mais des stations artistiques. Comme là, il y en avait un que c'était des contes. Il y en avait un autre que c'était du bruitage. Un autre, c'était de faire des dessins animés. Pas du dessin animé, mais une bande dessinée. Donc, les étudiants s'adaptaient selon l'endroit où ils étaient et concevait une activité en fonction de la salle du musée, où est-ce qu'ils étaient, et c'est aussi en lien avec un PICOM. Le PICOM, ça, c'est un projet où ce que les étudiants ont lieu d'être sur un banc d'école et de devoir apprendre la théorie. Là, ils ont l'occasion de mettre en pratique leurs compétences académiques. Donc ça, c'est noyauté par 5 étudiants, dont notre collègue Alicia Lemieux. Hey, ben oui, Alicia Lemieux, journaliste aux Ondes Campus. Ben oui. Ensuite, l'événement Arborescence. C'est Caroline Fillion qui nous en parle. C'est la 10e édition de la soirée talent récréologique qui avait lieu. Oui, exactement. Donc, c'était encore la gang de récréologie qui sont impliqués vraiment partout, qui a organisé ça. Donc, c'est la 10e édition et ça a eu lieu au 10-12. Et en fait, c'est quoi? C'est justement une espèce de talent show, si je peux dire ça comme ça, qui m'en va d'être justement en valeur les talents de la gang de récréo. Il y a eu des kiosques aussi, de photo booths notamment, de mandala aussi, mais il y a aussi des prestations scéniques de la part d'étudiants. Je fais ça moi aussi tout le temps, des propositions cyniques. Cyniques. En train de parler de la politique, comme genre, c'est pas important, puis c'est personne. Mais non, des prestations cyniques. Ah, cyniques, excuse-moi. Oui, cyniques. Ensuite, le titre du prochain article intrigue pas mal tout le monde, hein? C'est un article de Marie-Christine Perra, Fouille à nu. Oui, exactement. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas le 281 qui s'en vient en ville. Oh. Ça, c'est une proposition cynique aussi. Oui, exactement. Mais c'est pénicynique, je pense. Oh. Ah. Ça, j'ai le mot avec le mot. Il y en a qui ont besoin d'aspirine ce matin. Ouais. Donc, Fouille à nu, qu'est-ce que ça en fait? C'est un projet assez particulier. C'est trois professeurs qui étaient impliqués là-dedans avec The Two Gullivers. The Two Gullivers, ce sont des artistes new-yorkais qui ont une manière assez spéciale de présenter leur art. Donc, ils se sont alliés avec trois professeurs de locuteurs qui sont Philippe Boisvert, Besnik, Axe, Hilary et Aimé Zayed. Et le but, c'est qu'en fait, la portion de l'exposition, il y a deux volets. Ça, ça s'est passé à New York. La première, c'est qu'ils arrivent avec des valises transparentes et ils ouvrent la valise et ils arrivent de manière vraiment imprévue dans les musées de New York. Et là, vu que c'est illégal, puis surtout qu'à New York, quand on voit une valise d'un étranger depuis le World Trade Center, donc là, ils arrivent pour créer un effet de surprise. Souvent, ils se font expulser, mais bon. Ben ouais, mais ça vient avec, hein. Et l'autre, c'est une exposition permanente à Amélie à Wallace Gallery. Cool. Ensuite, la chronique d'Alassania Kouyi, dont on a parlé en début de journal, qui était au savoir-faire, là. Donc, c'est quand l'art est socio-responsable, c'est une première partie. Oui, exactement. Donc, elle parle quand l'art peut être utile à la communauté. Et là, elle nous parle de Playing for a Change. Donc, au début, Playing for a Change, c'est juste un projet où ce qu'on filmait quelqu'un, je me rappelle plus c'est où exactement, mais c'est de s'intéresser au pays dont on entend moins dans le monde et justement de filmer les musiciens locaux pour pouvoir les mettre sur YouTube et promouvoir l'art local. En fait, là, par exemple, ça a commencé, si je me trompe pas, avec Stand By Me. Et la vidéo a tellement eu de succès qu'on a fait d'autres covers dans d'autres pays du tiers-monde. Et il y a même eu des projets Playing for Change qui sont devenus des écoles de musique en Afrique, notamment. C'est bon. Vernissage qui a lieu au Centre d'exposition Raymond Lanier. C'est encore une fois Marie-Christine Perra qui nous en parle. Oui, exactement. Il y a eu notamment l'exposition de Simon Baudry qui allie multimédia et discours nationaliste. Mais il y a eu également aussi l'artiste de l'UQTR, Mathieu Bouchard, qui est étudiant ici à l'université, qui se spécialise dans l'impression 3D. Et puis Judith Étier nous parle du livre « Testament de naissance » de David Gaudreau. Oui, qui est un livre de poèmes de sa part, donc de David Gaudreau, qui est assez connu, qui est chroniqueur aussi à la radio. Donc, Judith Étier nous parle de ce livre. Mm-hmm. Et puis ça, c'est les arts et spectacles. Il nous reste seulement les sports. Eh bien oui, et on parle beaucoup de hockey, entre autres, avec Étienne Campeau, qui nous parle de deux autres victoires du côté des Pats. Oui, ça, c'est la fin de semaine du 25 et 26 novembre. Donc, il y en avait une, c'était contre le Collège Royal Militaire de Kingston, et l'autre, le 26, c'était contre les Ravens de l'Université Carleton. Donc ça, c'est deux victoires, ce qui leur a permis d'être aux troisième position de la division Est de la Ligue du réseau Sport Universitaire de l'Ontario. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, Sport Interuniversitaire Ontario. Oui, c'est ça, exact. C'est le réseau des sports. Tu viens de le dire, de l'Ontario, hein, exactement. Par la suite, on parle de profil de joueur. On parle de Pierre-Olivier Morin, qui est un passionné de hockey, mais qui en est surtout à sa dernière saison, qui débute en beauté. Oui, donc c'est le portrait d'un joueur qui est là, c'est sa quatrième année dans les Patriotes. Avant, il était dans les Cataractes, donc c'est un joueur de la région qui est là depuis des années et qui est quand même assez talentueux. On parle aussi du tournoi régional de badminton des Patriotes, une sixième édition qui a été très satisfaisante. Oui, par contre, j'avais oublié concernant M. Morin, qui est dans les deuxièmes meilleurs pointeurs de la Ligue. Donc, j'avais oublié de le dire concernant Pierre-Olivier Morin. Et oui, justement, concernant le tournoi régional de badminton des Patriotes, c'est que c'est un tournoi bénéfice pour financer justement l'équipe de badminton des Patriotes. Et ça, c'était ouvert au public. Il y avait trois catégories, dont junior. En fait, c'était ouvert à tout le monde. Puis, il y avait 118 personnes qui se sont inscrites. Hey, c'est beaucoup quand même. Ouais, quand même. On parle aussi des Patriots Cheerleading. On en a discuté un petit peu en début d'émission hier exactement. Un début de saison victorieux pour les Patriots. Oui, parce que dimanche, le 3 décembre, il y avait une compétition de cheerleading. C'est la première au sein du réseau universitaire de cheerleading. Et là, sur 5 équipes, ils étaient premiers. Donc, l'équipe des Patriots sont arrivés premiers. Là, vraiment, on voit une progression parce qu'il y a quelques années, ils étaient quand même bons, mais ils n'étaient jamais dans le top, nécessairement dans le podium. Mais là, ça va de mieux en mieux à chaque année parce que vraiment, il y a une équipe d'entraîneurs, mais aussi une équipe thérapeutique qui les accompagne comme toutes les équipes aussi. Donc, ça commence vraiment à... Et ils ont augmenté leur pratique aussi. Et c'est eux aussi qui sont sur la couverture du Zone Campus pour cette parution. Absolument. Et c'est ce qui met fin à la section sport. Voilà, merci Tania, merci c'est David. Zone Campus qui est en kiosque pour le reste du mois de décembre. Donc ça sort aujourd'hui, ce matin. En début d'avant-midi, ça arrive assez vite d'habitude. Donc en ce 6 décembre, et ça va être en kiosque jusqu'en janvier. C'est donc le numéro des fêtes. On se lit ça et on écoute deux chansons pour accompagner ta chronique, David. Oui, il va y avoir... c'est ça. Il va y avoir une toune de Corias, Black Flag. C'est bien celle-là que j'ai choisi. Oui, absolument. Et après ça, Hologramme avec Nylon. Pourquoi Hologramme? C'est que malheureusement, on n'a pas pu sélectionner cet article-là dans le journal, mais il va être en exclusivité blog. Ah, qu'on est donc en 2016, hein? Ben oui, vous allez même pouvoir écouter l'album sur Bandcamp. Wow. En fait, via le lien de l'article de Zone Campus. C'est nouveau de cette année, d'ailleurs. On imbrique du média dans le blog. Oui, il manque juste le 3D. Ben oui, c'est ça. Donc, on écoute Corias, Black Lights et puis Hologramme avec Nylon. Merci, David Ferrand. Ben, ça me fait plaisir, merci. Excellent chef du journal Zone Campus. Un.

C'était Hologramme avec la pièce Nylon, précédée de Corias et Black Lights dans le bloc Zone Campus. Deux suggestions de David Ferron, deux sujets couverts par le Zone Campus, un dans le journal et l'autre sur le blog zonecampus.car. Voilà. Retour à la pause. Tania, this is gonna entertain you. Oui. Un sondage de qui? Hey, toujours ensemble à Joie Qui en ce mardi 6 décembre 2016, c'est les Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Et nous, c'est encore une petite partie d'émission, une petite vingtaine de minutes environ, juste assez de temps pour faire la chronique de Tania, que voici avec Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école, et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna entertain ya! Tania Baudin! Bon matin! Bon matin! Tu m'as dit que tu avais un petit sujet court aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Petit sujet court, mais trois sujets à l'intérieur de un, et ils sont tous reliés en quelque sorte. Je vous ai posé une question en début d'émission. Je vous ai posé la question: qu'ont en commun le Victoria's Secret Fashion Show qui a été à la télévision hier, ouais, parce qu'en fait, ça a été en fin de semaine, l'UPOP et plusieurs médias. Ça peut être pas mal n'importe quoi. Ça peut être pas c'est mal pas n'importe quoi. C'est ça. C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui si vous ne connaissez pas ça. En fait, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est les réseaux sociaux. Ah. C'est l'implication des réseaux sociaux dans les trois sphères qui sont quand même entièrement, totalement différentes. On s'entend, le Victoria's Secret Fashion Show, l'UPOP et plusieurs médias. Je vais tout simplement commencer par l'UPOP parce que c'est quelque chose que j'ai découvert grâce au Facebook Vice Québec. Mm-hmm. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que le Vice Québec... Non, c'est pas nécessairement. Réseau dépôt présente Vice Québec. Oui, exactement. Non, c'est comme un magazine très, très court sur Internet qui est surtout sur Facebook. Si jamais vous allez voir, vous tapez Vice Québec, vous allez tomber sur une tonne de vidéos qui vous en prend un petit peu plus dans une courte durée. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'est-ce qu'était l'UPOP dans le cadre d'un vidéo qui a été fait sur Vice Québec où on expliquait justement qu'est-ce que c'était. Tu viens de me demander, ben c'est quoi l'UPOP? Ouais. Je vais te répondre. Et j'avais l'air si bête que ça. Mais non, c'était pas si pire. C'est un mouvement alternatif des universités populaires européennes. Donc l'UPOP, c'est l'Université populaire de Montréal. On veut créer un lieu de rencontre, de réflexion et de partage des connaissances aussi dynamiques que rassembleurs. L'UPOP Montréal, en fait, c'est un organisme qui est à but non lucratif, qui a été créé en 2010 qui est encore très, très, très, très, très impliqué, très, très, comment je pourrais dire, à l'affût en plus. L'UPOP a en fait pour mission de favoriser le développement de l'esprit critique en offrant justement à la population, surtout de Montréal, parce que c'est UPOP, c'est Université populaire de Montréal, et des environs, un accès libre et gratuit au savoir de certaines personnes par le biais d'activités d'éducation populaire implantées dans plusieurs quartiers en ville. Donc, par exemple, toi, tu décides d'aller sur la page UPOP Montréal sur Facebook, tu décides de t'enregistrer. À un certain moment, tu vas recevoir un courriel comme quoi, je sais pas moi, au Café X sur le coin de Saint-Laurent puis Sherbrooke dans trois jours, il va y avoir un cours qui va être donné là et ça va être entièrement gratuit. Donc, c'est inspiré du mouvement alternatif des universités populaires qui sont européennes parce que ça se voit de plus en plus en Europe. Et la démarche, en fait, du projet vise tout simplement à créer un lien dynamique qui va relier justement des gens dans certaines rencontres, qui va aussi relier les réflexions, qui va relier les partages des connaissances pour un public qui est extrêmement varié parce que lorsque tu décides de t'inscrire à l'UPOP Montréal, t'as pas nécessairement besoin d'avoir eu un cégep, t'as pas nécessairement besoin d'avoir 18 ans. T'as pas nécessairement besoin non plus d'avoir déjà été à l'université. La personne qui va te donner l'espèce de conférence, l'espèce de cours, l'activité qui va être présentée, eux ont eu des connaissances universitaires et c'est un petit peu ce que l'on veut faire. C'est en fait donner cette espèce de connaissance-là à des gens qui ont tout simplement pas été à l'université ou qui n'ont pas terminé non plus. Donc, les activités sont ouvertes à toute personne qui sont curieuses et qui désirent justement alimenter cette fameuse connaissance et cette fameuse réflexion de l'être humain-là. Pour la raison, l'UPOP Montréal en fait des activités dans des lieux qui sont conviviaux et accessibles. Donc, par exemple, des cafés, des bibliothèques, des galeries d'art, des théâtres, un petit peu des endroits comme ça. Ça peut être aussi, une salle de spectacle ou peu importe. Et ça va permettre justement de rejoindre un large public qui va être intéressé par la culture, mais aussi par le savoir. Donc, l'UPOP Montréal, surtout, et non pas l'européenne, entend par le fait même à favoriser l'espèce de sentiment d'appartenance que tu as à une communauté lorsque tu arrives à l'université. OK, on sait ici, c'est un petit peu problématique, mais par exemple à Montréal, lorsque tu arrives à l'université, cette espèce de sentiment d'appartenance-là à ton université est quand même très, très grande. Alors, on veut recréer la même chose avec UPOP Montréal, c'est d'avoir justement un sentiment d'appartenance à une communauté et aussi l'envie de prendre activement part à la société québécoise, au débat qu'il y a à la société québécoise, aussi au débat qui sont beaucoup plus reliés vers Montréal directement, qui sont peut-être pas nécessairement juste provinciales, mais qui sont beaucoup plus régionales par rapport à Montréal. Donc, les objectifs du projet, en fait, c'est très simple, c'est de transmettre des savoirs qui vont permettre une meilleure compréhension du monde. On parle aussi de favoriser le développement de l'esprit critique et l'action citoyenne. Donc, on veut créer des gens qui vont vouloir faire quelque chose. On veut aussi stimuler les échanges et le partage de points de vue sur des enjeux qui sont contemporains. Donc, par exemple, je parlais des réseaux sociaux. La dernière, dans le vidéo Vice Québec, c'est l'implication des médias sociaux qui était présenté dans un café. C'est comme ça que j'ai réussi à découvrir l'UPOP. On voyait quelques extraits, mais la conférence qui était donnée dans la vidéo à laquelle Vice Québec assistait, c'était justement cette fameuse implication-là des réseaux sociaux, mais aussi tout ce qui en découle, c'est-à-dire tout ce qui peut être bénéfique avec les réseaux sociaux et tout ce qui peut être aussi moins bénéfique, c'est-à-dire un petit peu plus... on the side, ce qui est moins bon avec les réseaux sociaux. On parle aussi de créer un espace de socialisation dans un contexte qui va enrichir intellectuellement et qui va valoriser aussi le plaisir d'apprendre des gens de n'importe quel âge. Donc, si toi et moi, on se retrouvait par exemple à Montréal, toi, t'as un cours universitaire, j'ai quelques cours universitaires, mais on a encore le goût d'apprendre. On veut pas nécessairement aller se taper 4 heures ou 4 soirs de cours à l'université pour un prix X. On peut très bien aller s'enregistrer à l'UPOP, ça va être gratuit. On se rencontre dans un café. Oui, ça va peut-être durer 4 heures. Par contre, ça va durer 4 heures avec des gens qui ont des opinions différentes et tu vas pouvoir justement apprendre à débattre si t'en as l'envie. Et tu vas aussi apprendre certaines choses par le biais de quelqu'un qui a eu cette connaissance-là. Donc, il y a plusieurs membres du CA et plusieurs membres du collectif. On parle en fait de traducteurs littéraires, on parle aussi de bibliothécaires, d'entrepreneurs, on parle de rédacteurs scientifiques de certains sites web qui sont là et qui donnent des conférences, on parle aussi d'auteurs dramatiques, des scénaristes, on parle aussi de consultantes en édition numérique. Donc, ces fameuses rencontres-là, ces fameuses conférences-là sont extrêmement diversifiées et elles peuvent rejoindre plein de gens. Mais ce qui est le fun, c'est que t'as pas nécessairement besoin d'avoir fait un cours en sciences numériques ou en informatique pour aller assister à cette fameuse conférence-là si tu veux juste avoir cette espèce de connaissance minimum-là sur un sujet. Tu peux très bien t'y présenter. C'est quand même très, très cool. Vraiment. Moi, j'ai vraiment trippé. Si j'étais à Montréal, c'est sûr et c'est certain clair. Que j'irais. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet de lupopmontréal.com, voir la programmation. Vous pouvez vous rendre à Montréal un soir qui va donner une conférence, vous inscrire, aller voir ça. Vous pouvez aussi proposer une activité sur le site internet. Et bien évidemment, le fait qu'on offre ces services-là de façon gratuite, c'est que vous pouvez faire un don aussi. Oui, donc, contribution volontaire. Contribution volontaire, exactement. Il y a des partenaires associés à tout ça. Donc, par exemple, exemple, les cafés, blablabla. C'est un petit peu comme ça qu'on réussit à faire en sorte que c'est gratuit, mais il y a une autre chose qui fait que ces activités-là sont populaires, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Si les réseaux sociaux n'étaient pas là, on pourrait pas parler de l'UPOP comme on parle de l'UPOP. On serait même pas capable, en fait, de pouvoir partager cette fameuse conférence-là ou de partager ce projet-là, parce qu'on n'aurait pas l'accessibilité à tout le monde qui est sur l'île de Montréal de façon égale comme les réseaux sociaux sont capables de le faire. Peut-être que la prochaine étape, ce serait des conférences vidéo aussi. Peut-être. Peut-être qu'on pourrait l'offrir comme ça sur abonnement à l'UPOP. On pourrait s'inscrire de Trois-Rivières. C'est encore plus cool. Exactement, mais tu sais, il y a déjà l'université, par exemple, en ligne, qui est TELUC. Mais ça coûte quelque chose. C'est ça, ça coûte quelque chose. L'UPOP, c'est entièrement gratuit. Ouais. Alors, de ce côté-là, c'est vraiment le fun. Ouais. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on va pouvoir se rendre par rapport à ça avec les réseaux sociaux. Mm-hmm. Il y a aussi, je l'ai dit, le Victoria's Secret Fashion Show. Oui! Aucun rapport. Aucun rapport avec l'UPOP. Quoique les filles peuvent être éduquées, on n'a pas dit le contraire. Non, mais le lien qu'il y a entre les trois sujets que je vous présente, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Hier, je me suis pris au jeu comme tout le monde sur le web. En fait, j'ai écouté le Victoria's Secret Fashion Show. Premièrement, parce que, oh mon Dieu, j'aimerais ça porter des sous-vêtements comme ça. et deuxièmement, pour ce que ça crée justement comme engouement sur les réseaux sociaux. C'est fou de voir à quel point un spectacle, un défilé de mode comme ça, si tu vas par exemple à la Fashion Week à New York, c'est pas aussi gros que ça. C'est pas aussi mondial que ça. Le Victoria's Secret Fashion Show, pourquoi est-ce qu'il est aussi important? Pourquoi est-ce qu'il passe comme ça à la télévision? C'est parce que les gens sur les réseaux sociaux veulent le voir. Ouais. Les gens sur les réseaux sociaux le demandent. Et c'est le fun parce que hier, en fait, c'était diffusé durant une heure, donc 60 minutes. Et on avait certaines parties où on voyait des gens de l'organisation de Victoria's Secret qui expliquaient qu'est-ce qui se passait, justement. Et à un certain moment, c'est un des producteurs du fashion show qui dit « Victoria's Secret Fashion Show, ça serait pas ce que c'est sans les réseaux sociaux. Les modèles qui sont tous des anges maintenant de Victoria's Secret ont une tonne d'abonnés sur les réseaux sociaux et c'est ce qui fait en sorte que les modèles ont peut-être une capacité justement à pouvoir pousser leur carrière un petit peu plus rapidement ou un petit peu plus fort par la suite. Parce que ça existait avant les réseaux sociaux. Mais maintenant, c'est plus populaire que jamais. C'est plus populaire que jamais et c'était pas diffusé comme c'est diffusé là. On s'attendait pas à ce que ça devienne aussi gros non plus et c'est vraiment la demande des gens sur les réseaux sociaux qui ont fait en sorte que c'est devenu aussi gros. On est allé à Paris cette année, c'était là que se passait le défilé. Mais pourquoi le défilé de Victoria's Secret s'est tenu à Paris cette année? Mais en fait, en France, c'est comme le géant de la lingerie. C'est comme un emblème pour chaque modèle. Donc, le fait de faire un défilé Victoria's Secret à Paris, pour eux, c'était logique. Ils appellent ça « lingerie ». Exactement. Ça fait français. Oui, tout à fait. Donc, ça se passait au Grand Palais de Paris. On s'entend que si les réseaux sociaux n'avaient pas été aussi développés aujourd'hui, on n'aurait probablement pas entendu parler de Victoria's Secret Fashion Show autant que ça dans les derniers mois. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que tu pouvais aller sur, par exemple, YouTube, sur la page YouTube de Victoria's Secret et suivre tout ce qui s'était passé pour arriver à ce fameux défilé-là. Donc, c'était des capsules qui étaient présentées sur la chaîne YouTube de Victoria's Secret où on présentait, par exemple, la conception de tout ce qui était lingerie, tout ce qui était costume, les grandes ailes qui sont si emblématiques pour les modèles comme pour certaines jeunes filles qui écoutent ou peu importe. On voyait cette fameuse confection-là, conception aussi. On voyait tout ce qui était décision par rapport au modèle. On s'entend, c'est 18 filles qui défilent, mais il y a eu 1200 auditions. Donc, sur la chaîne YouTube, on avait cette espèce de proximité-là à sentir dans le Victoria's Secret Fashion Show. Et c'est comme ça aussi qu'il y a eu autant de personnes qui ont écouté le Victoria's Secret Fashion Show. C'est grâce à ces fameuses capsules-là qui étaient diffusées sur YouTube qu'on s'est rendu à un immense spectacle hier soir. Le troisième sujet, celui-là, c'est, on s'entend, qu'est-ce qu'ont en commun les médias et les réseaux sociaux? Beaucoup de choses. Ben oui. Par contre, ce qui est très intéressant à voir, c'est un article du blog ou du site lesaffaires.com qui a attiré mon attention par rapport à tout ça, c'est qu'il y a des médias qui deviennent 100% réseaux sociaux. Donc ça, c'est comme si, par exemple, je sais pas moi, VTL ou Musique Plus, tiens, décidait de ne plus avoir une chaîne télévisée, mais d'avoir une chaîne simplement réseaux sociaux. C'est quelque chose qui se passe de façon assez élargie en Europe présentement. Il y a un éditeur français de vidéos en ligne qui s'appelle Minute Buzz, je sais pas si tu connais, qui est en fait l'éditeur français de vidéos en ligne le plus populaire. On a décidé lundi de fermer notre site internet pour diffuser uniquement sur les réseaux sociaux. C'est un choix qui est quand même assez radical pour un média comme ça. Vraiment. Mais... Où sont vos archives après ça? Mais c'est là qu'on se rend compte que c'est de plus en plus sensible pour les médias, pour les chaînes télévisées, que d'avoir, par exemple, une page Facebook, une page Snapchat, une page Instagram. C'est comme ça qu'on se rend compte aussi que les médias peuvent changer beaucoup au fil des prochaines années. Mais tout ça est tellement éphémère, l'affaire, c'est ça. C'est que là, t'es sur Facebook en ce moment, mais Facebook va éventuellement changer ou va devenir tellement plus regardé par personne qu'il va falloir passer à autre chose. Il va falloir faire quelque chose. Au moins, le site web est une centralisation de tout ça et mène vers tes pages. Je pense pas que tu devrais arrêter d'avoir un site web. Je trouve que c'est pas approprié. Ben, je trouve ça assez radical aussi comme choix, on s'entend. En décidant de fermer son site internet, Minute Buzz s'en remet presque entièrement à Facebook, où déjà se réalisait 95% de ses vues. Mm-hmm. Donc, était même pas à 95% sur YouTube, par exemple, c'était vraiment Facebook. Il achète d'ailleurs à Facebook de l'amplification d'audience pour que ses vidéos s'affichent plus haut sur les pages pouces, des internautes. Donc, si jamais vous êtes sur Facebook, vous allez peut-être avoir un pop-up de Minute Buzz ou qu'il va y avoir une vidéo. C'est justement comme ça qu'on crée avec Facebook un espèce de nouveau média. Et c'est... Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est correct, mais comme un secondaire. C'est correct, mais c'est comme inquiétant aussi. Parce que si on décide de faire ces fameux choix-là, de décider de tout simplement couper notre site internet ou, je sais pas moi, notre chaîne télévisée pour s'en tenir simplement aux réseaux sociaux qui est Instagram, Facebook, Twitter... Il arrive quoi après si tout se ferme? Ben c'est ça. Et tu remets ça entre les mains d'une autre compagnie qui peut faire absolument n'importe quoi qu'ils veulent avec. Je trouve que c'est sûrement peut-être juste pour faire parler d'eux. Je peux comprendre de fermer une chaîne télé parce que produire de la télé, ça coûte ultra cher. Un site web, on s'entend que tu peux avoir un site assez basic, mais il faut que tu aies un site web, je trouve. Exactement. Mais en fait, les gens de Minute Buzz ont dit que d'abandonner le site Internet, c'était aussi un choix de raison. C'est un choix radical, mais il y avait une raison derrière tout ça. C'est que tous les sites comptaient jusqu'ici sur les liens diffusés via Facebook pour justement générer de l'audience ou qui eux ont souffert ces derniers mois du changement d'algorithme du réseau Facebook qui est américain et qui met de moins en moins en avant les liens faisant sortir l'internaute de Facebook. Cette tendance, en fait, de plateformisation est celle de prise de pouvoir des réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'ils ont voulu aller chercher le plus grand nombre d'audiences. Mais comme tu disais... C'est ça. On se comprend, hein, tu sais? Exactement. C'est ça. Les archives, c'est ça. Okay. Trois sujets complètement différents, mais ils ont tous quelque chose en commun, ces fameux réseaux sociaux-là. On a vécu toutes les émotions, on a été curieux, on a appris, on a été excités et on a été déprimés par les réseaux sociaux. Et voilà. Merci Tania Bonin. Fait plaisir. La chronique Tania Esgalin de Tania tous les matins de semaine à Assemblage requis. Nous, ça va être la fin de l'émission. Avant de terminer, par contre, je m'en voudrais de ne pas au moins un petit peu parler des nouvelles du campus. Voici maintenant l'Info Campus, présentée par le journal Zone Campus. La Galerie R3 de l'UQTR organise une expo vente bénéfice jusqu'au 9 décembre. Plus d'une cinquantaine d'œuvres d'étudiants de l'UQTR seront en vente. Les profits financeront la Galerie d'art. Tous les détails sur la page Facebook de la Galerie R3. Le Café Frida lance son appel de proposition d'exposition pour l'année 2017. Les artistes intéressés doivent soumettre une description de la pratique artistique, une présentation du projet et une image par œuvre. Tous les détails du concours sont disponibles sur la page Facebook du Café Frida. L'organisme Équitaire lance la 9e édition de la bourse L'Or Varidel. La bourse d'un montant de 10 000 $ a pour but d'aider un étudiant ou une étudiante au cycle supérieur dont le sujet de recherche porte sur un enjeu environnemental. La page Facebook d'Équitaire donne tous les détails et la date limite pour soumettre votre candidature est le 15 janvier 2017. L'AGE-UQTR lance des appels de candidature pour deux postes. D'abord, le premier poste est celui de la présidence de l'Assemblée des réunions du CA. Une compensation monétaire est offerte. Ensuite, l'AGE-UQTR souhaite mettre sur pied son comité électoral bénévole. Pour postuler à l'un des deux postes, veuillez écrire à secgen, S-E-C-G-E-N, à commercial-uqtr.ca avant le 9 décembre, 17h. Le mercredi 14 décembre se tiendra l'activité Tire-toi une bûche. Le service aux étudiants invite les étudiants à déguster des guimauves, chocolat chaud, saucisses et bouillon de poulet. L'ensemble vocal de l'UQTR est l'artiste invité. L'événement aura lieu en face de la place Gilles Boulet et l'activité est gratuite. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. Merci à David Perron, rédacteur en chef du Zone Campus pour l'écriture. Merci à Tania pour la lecture de cet Info Campus qui joue deux fois dans son avocat. Ça fait plaisir. Ensuite à midi et puis à 18h sur nos ondes. Nous, ça va être à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Malheureusement, on doit se quitter là-dessus. Merci à, encore une fois à David Perron aussi d'avoir participé avec la chronique Zone Campus aujourd'hui. Merci à toi, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Demain, l'émission sera mercredi. On va voir Sébastien Guertin à 7h30 pour la chronique du bulletin Guertin. Et puis à 8h30, Gabriel Béhoud pour la chronique Dans les coulisses de la Luitre. C'est demain entre 6h30 et 9h30 sur nos ondes. Plus tard, à 10h, la rediffusion du Mathieu Plante Show. À midi, rediffusion de Rock de Neurones. À 14h, Tania et moi serons de retour pour les Pomarais C'est fou. On va recevoir une invitée spéciale en milieu d'émission. On parle avec Marie-Ève Roy. Ensuite, à 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. 21h, matière noire avec du métal progressif. Sif.ca pour la programmation complète. Assemblagerocky.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. On se quitte justement une autre pièce de Marie-Ève Roy. C'est celle qui ouvre son album. Dis-moi tout. Merci Tania encore. Merci à toi aussi, Mathieu. Bonne journée. Surtout bon café. Oh, ben oui. Oh. Merci de me le rappeler, oui. Du café. Oh, miam, miam, miam. Hey, merci aux résidus plasmiques, je l'ai dit jamais. Ah, c'est vrai. Qui ont fait l'intro. T'as bien raison.